Rex Quandam Rexque Futurus. Épisode 41, le conte de la femme de Bath et le mariage de Sir Gawain et Dame Ragnell. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quandam Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et aujourd'hui, on vous retrouve toujours en terre anglaise pour vous parler cette fois-ci de nouveau de contes que vous allez commencer à connaître. Alors avec une excursion du côté de Chaucer, qui est un ensemble beaucoup plus large, mais aussi The Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnell, qui est... On va dire, on a les clichés auxquels on s'attend. Ça commence par une partie de chasse. C'est un poème anglais. Il y a des épreuves. Il y a le thème, des épreuves qui d'ailleurs portent sur le thème de l'amour et des relations avec les femmes, mais qui a une certaine popularité en anglais, qui a marqué un peu les. C'est un thème en fait qui a marqué un peu les esprits dans la culture littéraire anglaise. Pas seulement anglaise, parce que c'est aussi un motif qui a été d'ailleurs transmis dans d'autres, qui est revenu dans d'autres traditions. Direct en français, mais beaucoup d'adaptations, même francophones, évoquent cet épisode-là. Enfin, en tout cas, beaucoup. Je ne sais pas si c'est un effort, mais j'ai un souvenir assez marquant d'Arthur, une épopée celtique qui réintroduit ce motif qui n'est pas du tout celtique, du coup. Enfin, qui est peut-être d'inspiration celtique, on va le voir, mais qui est, en tout cas, pas directement connu par des textes celtes. Dans une anecdote, je crois que c'est comme ça, on va vous raconter l'histoire plus tard, mais c'est comme ça qu'Arthur rencontre Guenièvre, en fait, dans Arthur, une épopée celtique, notamment. Donc, c'est un motif qui a connu une postérité littéraire assez, en tout cas dans les adaptations, parce qu'il faut bien dire, c'est un motif assez intriguant, celui de cette loathly lady, comme on dit en anglais, de cette dame sauvage ou dame horrible, ou peu importe comment vous l'appelez, dame pas très attirante, disons, qui se retrouve avoir un secret assez, assez évident, celui de ne pas être si horrible que ça en vrai. Oui, c'est ça, le côté féerique du personnage féerique dont le caractère est montré soit par une beauté merveilleuse, soit là par une laideur absolument affreuse, et qui fait penser à la laide demoiselle de Perceval. Donc évidemment, on a essayé d'y trouver ce fond folklorique, celtique, etc. Ce qui est souvent le cas pour les romans anglais, parfois aussi par dépit par rapport à leur côté, soit un peu insatisfaisant, c'est-à-dire le conte, je pense, on vous en parlera une prochaine fois, mais du Carl of Carlyle, où là, par contre, les interprétations folkloriques, celtisantes et tout, elles partent dans tous les sens, mais aussi on a l'impression parce que on a là un roman arthurien qui est un peu inachevé ou incomplet, ou en tout cas pas aussi bien fait que, par exemple, Sir Gawain and the Green Knight, et du coup... On essaye peut-être de rehausser son statut par la comparaison. Cela dit, c'est pas pour même quand un roman est bien fait, ça n'empêche pas toutes les théories et les idées les plus folles, notamment sur Gawain et Chevalier Vert, qu'il faut bien, comme tu dirais, c'est une matière bonne à penser en général de toute façon. Donc, mais c'est vrai que la profusion peut être parfois expliquée par la volonté d'aller chercher aussi un ancrage plus ancien, plus traditionnel, surtout dans des textes anglais qui ne sont pas justement très anciens comparés, par exemple, à la matière de Chrétien. Mais avant ça, un petit tour d'horizon de l'actualité arthurienne qui sera assez petit cette fois-ci. Il y a chez Honoré Champion quelques nouveautés arthuriennes qui sont éditées. Il y a l'édition du début du Tristan en prose dans sa version entre guillemets brève. Alors on l'appelle la version brève parce qu'elle est peut-être dans l'ensemble un peu plus brève, mais il y a des passages qui sont plus brefs, des passages qui sont plus développés, donc le nom, il y a des gens qui n'aiment pas ce nom-là, mais c'est celle du manuscrit 756-757 de la Bibliothèque Nationale de France, et le 757 avait été édité au début des années 2000, mais disons, la première partie du roman, comme elle était commune essentiellement avec la version longue, n'avait pas été éditée, on voulait éditer que la partie la plus particulière, même si elle a quand même quelques spécificités, et maintenant c'est chose faite, vous avez le début de cette version-là, qui est aussi éditée. Il resterait éventuellement quelques versions, la version 3, la version 4, qui pourraient encore être éditées. Il faudra peut-être un jour qu'on reparle du Tristan en prose, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de développement dans la discipline, et qu'on arrive peut-être à l'époque de certaines synthèses, même si tout le monde n'est pas d'accord. Chez Champion toujours, la traduction des fragments du Titurel, donc une suite prologue du Parsifal autour de Shona Tullander, qui n'est pas très longue, mais qui est ici présentée par Alain Corbellari et bien sûr l'éternel Daniel Buchinger, qui est déterminé à éditer tous les romans arthuriens allemands possibles. Alain Corbellari étant notre, fut mon professeur, un de mes professeurs d'histoire de français médiéval, hein, donc une caution suisse et translingue, enfin bilingue. J'imagine, enfin, il est plutôt spécialiste de l'ancien français, mais il apporte une caution, disons, d'études françaises là-dedans. En tout cas, une contribution de plus de Daniel Buchinger, qui, malgré son âge avancé, apparemment a encore tout plein de projets d'édition, de ce que j'ai entendu. Alors, si Dieu lui prête vie, comme on dit, on devrait avoir encore de nombreuses éditions du genre qui sortiraient. Les éditions Anacharsis qui ont essayé de traduire le Tristan en prose, cette fois-ci dans sa version longue et commune, sont un peu en difficulté apparemment. Elles organisent une collecte de fonds pour récolter 10 000 euros pour combler un peu les trous. Et pour cette collecte, vous pouvez acheter différents lots de livres qui vous sont proposés. Il y a notamment un lot d'or, si vous êtes vraiment un super fan, de 250 €, qui contient des livres qui parlent un peu plus d'Orient, du monde ottoman, etc. Mais aussi les 4 volumes qui sont sortis du Tristan en prose chez eux. Voilà, vous avez la trilogie Harem et Sultan, Tyran le Blanc, une chanson de geste assez intéressante, un livre sur Constantinople aussi. Alors, je ne sais pas tout à fait pourquoi ils ont groupé ça avec Tristan, mais c'est un peu cruel parce que ça nous rappelle aussi qu'on attend le 5e tome du Tristan depuis 2022 et que probablement, enfin, à ce compte-là, moi, j'ai un peu abandonné. Je crois qu'on l'aura probablement jamais. C'est la malédiction du Tristan en prose qui continue à frapper, même si, bon, on avait parlé des problèmes d'édition. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas d'index, il n'y a pas de somme, enfin... Voilà, c'est un flux de texte pas forcément facile à naviguer, malgré ses qualités littéraires. Enfin, dans la sphère des empires multimédia qui, comme les empires qui ont émaillé l'histoire, s'élèvent et s'effondrent, on apprend qu'une récente adaptation de The Pendragon Cycle aurait largement contribué à l'effondrement relatif du réseau d'information conservateur de Daily Wire, autour surtout, la figure la plus connue étant Ben Shapiro, la figure de proue. Ils ont dû licencier une bonne partie de leur staff, j'ai pas tout compris à quel point c'était sérieux, mais essentiellement, il semblerait qu'ils n'ont pas lésiné sur la demande pour adapter The Pendragon Cycle, espérant devenir une espèce d'entreprise multimédia, de devenir une espèce de Disney Plus conservateur probablement, et pouvoir, enfin, que ce soit leur marchepied pour devenir autre chose. Eh bien, je crois que beaucoup de gens ont critiqué un peu le fond du Pendragon Cycle sur le fait que c'était confusant et un peu complexe, mais que sur la facture, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Pas de toute évidence. Hein. De ce côté-là, on ne peut pas leur en vouloir, même si c'est un peu du fantasy slope, un peu... générique. Antiquité tardive, celtisante, Atlantide, fantasy. Bon, c'est peut-être le problème d'éditer quelque chose qui a gardé tous les, on va dire, un peu les boutons, l'acné arthurienne des années 90, tu sais, c'est un peu... Ça prévaut, malheureusement, je suis navré d'apprendre aux auditeurs que du coup, les investisseurs se sont un peu refroidis. Un monsieur Vincent B qui voulait, pour revenir dans aux légendes de sa Bretagne natale, nous financer pour qu'on produise un cycle basé sur les travaux de Jean Marcal, malheureusement a décidé qu'il valait mieux continuer à investir dans les maisons d'édition françaises. Et du coup, il va pas investir dans notre projet d'adapter tout Jean Marcal en série TV à grand budget pour ses canaux de télévision, malheureusement. C'est très triste, mais voilà. C'est triste. La conjecture. Hein, L'Empire Bolloré coulé par l'adaptation du cycle de Jean Marcal en 800 épisodes, ça aurait été quand même drôle. Non, blague à part, c'est aussi assez symptomatique, je pense, de ces ambitions très larges de ces... The Daily Wire, c'est un peu particulier parce qu'il y a aussi Ben Shapiro qui est derrière, qui est quand même quelqu'un qui a clairement ce côté un peu... on dirait un peu theater kid, mais il a aussi ce côté très auteur un peu contrarié, quoi. Il est devenu un commentateur conservateur, mais lui, il avait des ambitions créatives, en tout cas. Il a clairement une pulsion créatrice derrière ce qu'il voulait faire. Il avait écrit des scénarios, des livres. Il a clairement une énergie à mettre là-dedans. Et il faut bien avouer que les gens pour qui il fait son produit habituel, le commentaire politique, je ne suis pas sûr que ce soit ceux qui sont nécessairement les plus... disons, ça parle... l'idée de faire des médias spécifiquement conservateur, ça parle à une frange quand même assez restreinte de la population, j'en ai peur. Ouais, mais j'imagine que le but c'était d'élargir l'assiette, c'est que tu vois que t'es justement les fans de fantasy qui se disent « Ah bon, j'aime pas trop le Daily Wire, mais je vais me payer la... » Enfin tu vois, je pense qu'ils essayaient justement de toucher quelqu'un, de devenir plus mainstream. Mais il faut déjà toucher ton cœur de cible, et à mon sens, le cœur de cible pour le Daily Wire, c'est des gens qui vont aussi consommer des films Marvel ou des trucs comme ça, tu vois, c'est pas des gens qui vont pousser leur... c'est pas des... c'est pas le The Benedict Option fois 1000, quoi, c'est pas des gens qui, comme Rod Dreher, vont aller se réfugier en Hongrie, ah non merde ça marche plus, qui vont aller se réfugier dans une espèce de, d'entre-soi ultra conservateur, ultra chrétien, à regarder que des films produits par des chaînes chrétiennes, par des maisons de production chrétiennes. L'audience politique de quelqu'un comme lui, comme Ben Shapiro, comme aussi comment il s'appelle l'autre monsieur à nœud papillon, enfin qui n'a plus de nœud papillon, mais c'est un Matt quelque chose. Non, il y a Matt Walsh, il y a, moi je pensais à l'énervé qui est plus cher Fox News, comment il s'appelle, Tucker Carlson. Tucker Carlson, voilà, le mania de je sais plus quoi, il vient d'une famille de mania de je sais plus quoi. Toujours est-il que voilà, eux je pense qu'ils ont quand même un public très large, et ça leur dit ah ouais, je peux vendre à tout le monde mon truc, ma cam beaucoup plus spécifique. Et en fait, c'est pas pour ça que viennent les gens, je pense aussi, c'est ça. Il y a la question, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de foin de lire le fait que la fantasy, c'est un genre qui peut se prêter à cette réinterprétation conservatrice. Faut voir le débat mille fois renouvelé sur est-ce que Tolkien est un méchant monarchiste ou est-ce que non, c'est un anarchiste écolo sympa qui aime bien. Évidemment, il a un peu les deux en même temps, et puis une œuvre peut se lire de plein de manières. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer. Faut quand même très matrixé pour être catholique et monarchiste britannique. Ouais. Bon, il y en a, hein. Jacob Rees-Mogg. Il y en a, mais oui, disons. Thèse Tolkien Jacobite. Les rois d'Angleterre sont les intendants du Gondor, en fait. Les Jacobites sont la famille. Les Dunedin. Tu as toujours, surtout que tu as une mode actuellement du catholicisme un peu. Du catholicisme vu comme quelque chose de plus traditionnel et réactionnaire, le syndrome J.D. Vance. Bon, après, t'as qui s'est converti, justement, qui est un peu coincé. L'échelon derrière, c'est de revenir à l'orthodoxie. Ils vont adapter Cligès parce que ça se prête mieux à revenir à l'orthodoxie. C'est ça, revenir à l'orthodoxie parce que là, ils chantent en grec, on comprend pas ce qu'ils disent. Non, je me pose la question d'à quel point c'est utilisable parce que c'est une option qui est possible, à mon avis. Tu vois, ça un peu en France aussi. Il y avait je sais plus quel réactionnaire qui voulait faire un film, je crois que c'était plus sur les croisades, mais cette idée de faire envoyer ouais, tout le Philippe de Villiers, le Puy du Fou, etc. Et puis ce que fait Sterrin aussi derrière, il y a aussi des idées similaires. À mon avis, c'est une option possible. Maintenant, je pense que Pendragon Cycle, c'était un peu trop foutraque parce que t'as le mélange Atlantide, païen. Évidemment, t'as un côté chrétien. L'auteur derrière est assez chrétien et puis évidemment, ça joue un rôle de derrière. Mais il y a trop de signifiants flottants et puis ça essaye trop de résoudre les mots croisés que sont la légende arthurienne pour fonctionner là-dessus. Oui, parce que c'est le côté un peu à la fois Christian Slope. Ouais. Mais mélangé avec le même genre de types qui vont râler parce que, mon Dieu, Christopher Nolan va adapter l'Odyssée en traduisant Polytropos par compliqué. Et les genres d'obsessions qui sont pas tout à fait les mêmes parce que les gens qui sont purement dans l'optique chrétienne vont pas vouloir trop aller sur des trucs un peu, aussi foutraques que ça. Et si ça devient trop chrétien, trop neuneux, ça va être trop simplifié pour les gens qui sont là-dedans par le fétichisme du savoir antique et que les dangereux wokistes modernes essaient de faire taire, quoi. Mais je pense que c'est un peu compliqué, parce que moi, ça m'intéresserait de voir une version de la légende arthurienne purement chrétienne, parce qu'en fait, ça fait tellement partie des codes du genre maintenant d'avoir les anciens dieux, les anciens rituels, Morgan, Merlin, etc. En fait, ils font partir d'un arrière-plan celtique, et puis le dieu chrétien arrive. Ça fait partie des meubles du genre. Tu le vois dans Excalibur, dans Camelot, etc., dans les œuvres modernes. C'est à peu près obligatoire soit d'avoir ça, soit d'escamoter le facteur religieux complètement, du genre Guy Ritchie. Mais du coup, moi, ça m'intéresserait d'avoir quelqu'un qui dit, en fait, on va arrêter ça et on va faire un truc chrétien. Ce serait presque, par un moment, je me dis, ce serait presque plus intéressant. Mais je pense pas que le public serait prêt. Tu vois, j'ai vu plein de gens qui réagissaient sur la série de Pendragon Cycle et qui étaient choqués un peu par la dissonance d'avoir, justement, Merlin dans un contexte aussi chrétien, parce qu'ils étaient là, mais Merlin, c'est de la magie, c'est de la fantaisie, c'est un truc un peu doux et païen, ça a rien... En fait, évidemment, le clash, il est attendu, si tu connais un peu l'arrière-plan, etc. Mais eux, ils étaient un peu en mode, christianiser Merlin, ça leur paraissait bizarre. Ça, au fond, ça a rien de plus bizarre qu'autre chose, mais par rapport aux attentes du public du genre, ça ne correspond pas. Donc je serais curieux de voir ce que ça donnerait si ça pouvait être fait, en bien ou en mal, moi je pense pas que... Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur l'Odyssée, parce que je pense qu'il y a un phénomène moderne dans ces espèces de c'est pas tout à fait une panique morale, mais ces espèces d'effervescence où, oh là là, ils ont essayé de mettre à jour une œuvre classique et c'est horrible. Généralement, c'est parce qu'ils ont mis un noir dedans ou parce que ils ont voulu donner un certain rôle à des femmes ou des noirs ou comme ça. Et c'est absolument intolérable, même si des fois, en fait, ça fait partie de la légende originale ou même si des fois, en fait... C'est... T'imagines, ils ont fait toute une scène où Zeus, il va en Éthiopie. Il va en Éthiopie. Dans l'Iliade. Ah bon. Il y a un mec noir qui vient, qui se bat contre Achille, on comprend pas trop pourquoi, c'est même nom. C'est peut-être même la légende de même nom est peut-être plus vieille que celle de que l'Iliade elle-même parce qu'elle a existé séparément. T'imagines, Perceval en fait il a un frère métis. Non, c'est ça. Et en même temps, après moi j'ai aussi l'opinion opposée que des fois tu ne réfléchis pas trop. Tu rajoutes des noirs dans ton histoire et tu réfléchis pas trop aux inférences de ce que ça fait et tu te retrouves avec des trucs assez douteux. Oui. Typiquement la récente série Harry Potter, ils se sont dit on va faire que Rogue est noir. Bon. Il y a une scène où James Potter le pend à un arbre, donc peut-être qu'il y aura des inférences un peu bizarres à cet endroit-là. Ou peut-être qu'ils vont adapter ça différemment. Peut-être qu'ils vont... Je ne sais pas s'ils vont réfléchir. Bon, je pense qu'il y a un peu les deux, mais je pense que c'est aussi une manière pour les gens, en fait, d'entrer en contact avec ces trucs qu'on connaît à moitié. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on absorbe par osmose. La légende arthurienne, tu sais qu'il y a une épée dans le rocher, il y a une table ronde, il y a un merlin, et ils cherchent le Graal, mais tu vas pas forcément consommer. Et du coup, quand on te dit ils l'ont mise à jour, tu dis ah c'est un scandale, alors que tu connais pas la version d'origine. Pareil pour l'Iliade, l'Iliade de base. La plupart des choses que les gens associent à l'Iliade, ce sera le talon d'Achille, le cheval de Troie, Cassandre, parce que c'est une expression courante. C'est trois choses qu'il y a pas dans le texte de l'Iliade parce que le récit s'arrête avant. Mais tu as ce truc que tu absorbes par osmose et le fait de réagir et de dire oh là là mais comment ont-ils osé le mettre à jour, en fait c'est une des rares manières que tu as de participer à un discours dessus en fait et je pense que c'est ça qui fait le succès aussi et en même temps et c'est à la fois les deux parce qu'il y avait le discours bon ça se trouve ça va pas être mais il y a eu tout un discours sur il y a Elliot Page qui est donc un acteur avec qui Christopher Nolan a travaillé plusieurs fois enfin qui est qui se trouve être un homme trans qui jouait et puis disait il va être Achille mais c'est pas possible Achille le super. Et bien, c'est l'autre version du truc. Ils savent d'Achille peut-être ce qu'il y a dans l'Iliade, peut-être, ouais. Mais ils connaissent pas toute la tradition sur le fait que Achille, avant d'aller faire la guerre de Troie, il se faisait passer pour une femme et Ulysse doit aller le chercher. Enfin, il y a tout un truc sur justement le fait que Achille, c'est un homme plutôt jeune qui peut passer de façon assez convaincante pour une femme dans la tradition grecque autour de ça. Ouais. C'est aussi, tu vois, c'est à la fois, il y a des éléments connus qui sont absolument vus comme des images d'Épinal qui doivent être dedans. Et d'un côté, aussi pareil, les gens qui viennent à encenser l'adaptation super fidèle de Wolfgang Petersen. C'est ce que je veux dire. Qui est bon, qui a ses côtés intéressants, visuellement. Je trouvais que c'était une adaptation assez intéressante. Les choix, c'est assez classique pour son époque. Hein, c'est tout à fait la même lignée que le roi Arthur de Fouqua, par exemple. C'est ça. Par contre, si tu veux parler d'une adaptation fidèle de l'Iliade où il n'y a aucune trace de divin dedans, il y a Thétis dedans. Parce que c'est la mère d'Achille. Mais il n'y a même pas spécifiquement de. Enfin, on a vaguement sens que c'est dit, mais il n'y a pas. Enfin, pour moi, un truc super essentiel dans l'Iliade, c'est précisément le conflit entre les dieux et la façon dont les dieux se mêlent des conflits des hommes. Et ça n'est pas du tout présent dans l'Iliade, dans le 3 de Wolfgang Petersen. Et là, pour le coup, c'est un truc qui m'intéresse dans l'Odyssée de Nolan, c'est le fait que pour le coup, il a l'air de vraiment intégrer ça dedans, quoi. Moi, je suis convaincu. Enfin, moi, je sais pas si je vais réussir à aimer. Moi, j'ai envie d'aimer le film, honnêtement, parce que par contrarianisme. Par contrarianisme. Non, puis aussi. Je trouve qu'il y avait ce côté, c'est ce que j'allais dire, c'est justement les gens qui encensent les abdos de Brad Pitt et il y a une raison aussi pour laquelle on se rappelle que des trois scènes où Brad Pitt est en armure parce que le film était vraiment pas bien. Le cheval de Troie était sympa aussi, le côté un peu déstructuré, un peu bois flotté. Les acteurs de ce film sont tous très bons. Quand il est sorti, c'était vraiment vu comme une espèce de navet un peu stupide et hollywoodien. Et... C'était dingue parce que, à part Brad Pitt, justement, qui est un peu le point faible du film, quand même, d'un point de vue. Il a un jeu particulièrement. Bon, tu peux te dire que c'est une interprétation valable d'Achille, mais comparé à autour de lui, t'as genre Eric Bana qui est très bien en Hector, Orlando Bloom qui est absolument pénible en Paris, mais c'est un peu le but. Ouais. Peter O'Toole qui joue Priam, c'est un beau rôle, quoi. Brian Cox et Brennan Gleeson qui jouent Agamemnon et Ménélas, ils sont excellents. Sean Bean qui joue Ulysse, Odysseus. Ouais. Y a vraiment des très très bons acteurs dans ce film qui sont un peu sous-exploités. Mais effectivement, derrière, c'est très insubstantiel quand même. Aujourd'hui, tu sentirais qu'il y aurait une polémique, mais c'est parce que le wokisme moderne a enlevé le divin parce que l'homme matériel moderne ne peut plus supporter. Non, c'est un peu. Et je pense que ça rejoint des choses qu'on voit régulièrement ou qu'on verrait régulièrement dans la légende arthurienne si. il y avait des adaptations à succès qui n'étaient pas maudites, parce que clairement il y a une malédiction manifestement, mais s'il y avait des bonnes... The Green Knight qui était pas mal. Hein? The Green Knight c'était pas mal. The Green Knight c'était pas mal, mais typiquement je débattais avec des Américains, très mauvaise idée, mais je débattais de The Green Knight avec des Américains et ils ne... Enfin, je m'énerve un peu, mais pour eux c'est une mauvaise adaptation parce qu'ils ont changé des trucs du livre de base. Parce qu'ils n'ont pas gardé l'échange équivalent des bisous, ça change le truc, et ils auraient dû faire... Puis je suis là, mais il y a 50 adaptations de merde qui reprennent Sir Gawain and the Green Knight et qui te disent pas à la fin, parce que c'est vraiment un roman où il y a... La question finale, c'est qu'est-ce que c'était la faute de Gawain, quoi. Si tu lis Tolkien sur le sujet dans une adaptation, dans une... quand même, un commentaire qui a pratiquement 100 ans et qui a un peu fait autorité, il dit, c'est quoi le problème de Gawain ? Ok, il a essayé de sauver sa vie, mais au fond, sa faute, c'est quoi ? C'est d'avoir enfreint les règles d'un jeu. Est-ce que c'est si grave que ça ? Un jeu un peu absurde, en plus. Et en plus, c'était un piège. Donc, au final, il a fait de mal à personne. Et ce que dit Tolkien, c'est... Ben, il est pas... En fait, ça montre l'insuffisance du code chevaleresque, qui, comme il dit, plays into the hand of the enemy. Et ça montre que Gawain est, pour lui, ça, c'est son interprétation, il est éprouvé comme chrétien, pas comme chevalier. Bon, c'est son idée, c'est que le thème... Pour lui, le thème de Sir Gawain and the Green Knight, c'est qu'il y a une différence entre les jeux, le code chevaleresque qui est un jeu, et la vraie moralité. Et c'est intéressant parce que ça pointe justement que l'insuffisance de Gawain qui se situe sur ce plan-là, et qui pose la question un peu aussi. Bon, puis il y a aussi la fin du roman où c'est en fait, j'étais une manipulation de Morgane Le Fay. Est-ce que c'est organique ou pas ? Est-ce qu'on veut l'exclure ? Et il y a une volonté de ne pas. Il y a vraiment une lecture un peu sectaire de tout ça qui est en fait non. Mes chevaliers doivent être des chevaliers en armure brillante, nobles et vertueux, et ça interdit en fait que l'histoire soit intéressante ou que la conclusion soit bonne. Et en fait, Dev Patel, c'est un mauvais Gawain parce que il a pas l'air d'être tout le temps un giga-chad à succès qui écrase les autres. Et je pense que c'est pareil pour Arthur, où les gens ne réalisent pas que dans les romans arthuriens médiévaux, c'est Arthur a des qualités, on va voir sa largesse, sa générosité, on va le voir comme un bon roi, mais très souvent, c'est un mec, c'est un peu un connard dépressif, on va le voir aujourd'hui, c'est un connard dépressif qui n'est pas le centre émotionnel de l'histoire. Il fait partie du cadre. C'est la distinction principale de Kaamelott, d'avoir fait d'Arthur, non, alors, comme dans les histoires, un connard dépressif, mais qui est le centre émotionnel de l'histoire. Oui. C'est un peu le truc qui quand, comme tu le dis maintenant, ça me fait réaliser que c'est un peu le truc unique de Kaamelott, en fait, qui n'est pas présent dans beaucoup d'adaptations, qui fait un peu, je pense qu'il fait le succès de Kaamelott, entre autres, mais quand Kaamelott marche, ça marche à cause de ça, je pense. Mais du coup, effectivement, même les personnages, même les chevaliers arthuriens sont rarement des modèles de vertu et de... y a toujours... Après, on a vite tendance à aller dans... tout est parodique, tout est saumuré. Ouais. Mais les chevaliers arthuriens sont souvent face à l'échec. Enfin, oui. Que ce soit Perceval, que ce soit Gawain lui-même dans Gawain le Chevalier Vert. Il y a toute... la tradition, le status quo arthurien, c'est quand même pas fréquent qu'il y ait des chevaliers parfaits. Même Lancelot, qui est le meilleur chevalier de tous les temps, le cœur de son histoire, c'est sa faute. Et son excès, c'est aussi c'est l'homme qui veut tout avoir, il veut être entré avec Gallo, donc il a un côté très capricieux, il est élevé par une fée, il est fils de roi, il veut... Gawain, qui est le plus parfait des chevaliers, même dans les traditions les plus anciennes, c'est un chevalier qui est le meilleur servant d'Arthur, mais qui a finalement une certaine futilité, parce qu'il n'amène à rien, en fait, il aide Arthur, mais il n'a pas de descendance, il se consacre presque trop à Arthur, c'est presque dans certains, on pourrait voir ça comme un de ses défauts dans les versions les plus anciennes. Tous les chevaliers ont leur point faible. Puis avec l'évolution du XIIIe siècle, dans la post-Vulgate, il devient en fait un adversaire, un méchant, un antagoniste. On le voit moins ces temps-ci parce qu'on est beaucoup dans la poésie anglaise où il est resté un peu le gars, mais ce parangon de la chevalerie. Mais ça reste une figure qui a des côtés négatifs, et aussi d'ailleurs, on le verra quand on verra Mallory, mais dans sa relation avec Lancelot aussi, et dans la façon dont il traite justement, il se comporte vis-à-vis de Guenièvre et Lancelot à la fin de la tradition arthurienne. C'est qu'à la base, il est censé être... c'est un développement qui est assez long, mais il y a le fait qu'il a tué des chevaliers pendant la quête du Graal, puis ensuite il prend le parti... il devient l'adversaire de Lancelot, puis évidemment, nous, on est plutôt... c'est partagé. La mort le roi Arthur, c'est une tradition où, justement, on peut se dire il y a des torts des deux côtés. Mais Gawain, particulièrement dans la tradition française qui donne naissance au roman anglais dont on va parler aujourd'hui, c'est souvent le chevalier qui se retrouve placé dans une situation où c'est difficile d'être courtois. Mmh. Il se retrouve dans une situation où il est le chevalier expérimenté, et je tombe chez mes ennemis, ou bien je tombe chez quelqu'un qui me donne des ordres absurdes, mais je dois y obéir, est-ce que j'y obéis ou pas ? Il essaye de respecter les impératifs de la courtoisie. C'est ça qui est plus intéressant que c'est un chevalier parfait et qui remporte tous les obstacles. Après, il y a des exceptions, évidemment. Si vous prenez Geoffrey à la base, Arthur, c'est encore ce roi un peu parfait, cet âge d'or, chez Geoffrey. Mais bon, il n'y a pas énormément de contenu narratif. Mais après, soit ça devient bah, justement un roi très mélancolique chez Chrétien, un roi très mélancolique et un peu antagoniste dans les textes en prose, ou bien dans la post-vulgate, une espèce de roi maudit, quoi, qui tombe dans la méchéance à cause de son péché, notamment l'inceste, dans cette idée-là. Mais c'est oui, plus donc... intéressant. En fait, c'est plus intéressant. Et en même temps, c'est vrai qu'on a un peu forcé sur le grimdark, arthurien, c'est-à-dire que quand il y a des adaptations genre de jeux vidéo, c'est tout le temps. En fait, Arthur est méchant. Il y a des zombies partout. C'est vrai que à force, peut-être que faire des adaptations un peu plus où tout le monde sont des bons chevaliers en armure brillante, ça pourrait être plus intéressant à force. C'est vrai. Mais je trouve qu'il y a un peu cette paralysie à vouloir absolument une espèce de modèle de vertu et de force qui fait que ces histoires en fait ne pourraient pas avoir lieu ou seraient pas intéressantes. Ouais, c'est vraiment des histoires que tu te racontes quand t'es gamin en jouant avec tes petites figurines plus que des textes narratifs intéressants avec de la profondeur, quoi. Mais du coup, voilà, RIP, Pendragon Cycle. Oui, et puis on ne vous a pas regardé, mais ouais, voilà. On a pas regardé. Ben, on verra s'il y a d'autres adaptations plus ou moins maudites par la suite. Mais c'est vrai que malheureusement, ça n'a pas l'air d'être au programme, même si il y a clairement un marché pour la fantasy avec Jackson qui vont. Bon, il y aura le Werewolf de Robert Eggers, je crois, qui fait un. Ça se trouve, ça va être un peu Marie de France. J'ai hâte de la chute de Robert Eggers, parce que là, je voyais tout le monde qui disait il faudrait donner l'Odyssée adaptée à Robert Eggers, parce que ce serait plus intéressant. Enfin, je sais pas, les gens se font une idée bizarre de. Il y a aussi cette. Je relance la parenthèse, mais aussi cette idée, tu sais, de. Il faudrait une adaptation de la guerre de Troie, mais qui soit historiquement correcte avec des armes de l'âge du bronze. Ça n'a aucun sens. Le texte est anachronique. Il faudrait un casque en défense de sanglier passé dans l'Iliade. Oui, mais c'est dans un livre que tout le monde considère comme une interpolation plus tardive. Donc c'est basiquement. C'est un truc antiquisant déjà à l'époque. Mais puis en plus, déjà, bon, quand tu vois le moins de débat sur comment se battent des hoplites, ouais. C'est pas une question bête, mais enfin, on n'est pas sûr de comment se battaient même les hoplites au 6e siècle. On sait un peu mieux au 5e siècle vaguement, mais même ça, je lisais toute une série de posts sur le sujet par Brett Devereaux, le monsieur qui fait collection of acop.blog, a collection of quelque chose pedantry, un historien militaire qui fait pas mal de sujets comme ça, et rien que regarder les débats sur la façon dont des hoplites se battent, tu te dirais qu'en fait les gens qui veulent vraiment se sentir frustrés en regardant quelque chose parce que c'est anachronique, ils trouveraient quand même matière à le faire. Peu importe l'école que tu suis, quoi. Donc, En vrai, c'est vrai que par rapport aux armures noires de Christopher Nolan, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir une fois un truc, enfin, de s'inspirer de n'importe quoi pourvu que ce soit un peu plus intéressant, que ça n'avait pas été. Oui, c'est sûr que là, ça n'a pas l'air. C'est mon principal truc à propos de l'Odyssée. Je suis sûr qu'il y aura un truc intéressant face à Nolan, mais enfin, pour l'instant, visuellement, ça me. Je trouve ça un peu plat, quoi. C'est pas une question d'être. C'est un peu triste pour Nolan parce que les films un peu tout gris, c'était son style, mais il a été un peu rattrapé par tout le cinéma et du coup, on en a marre, quoi. Tout le monde est un peu manque de couleur. Moi, j'espère qu'il y aura un truc un peu spatio-temporel où, tu sais, Pénélope refait, défait sa toile. La tapisserie de la réalité. Puis après, on revient en arrière. Enfin, ça m'étonnerait s'il n'y a pas quelque chose comme ça dedans, parce que clairement, ça fait partie des thèmes de la mémoire et du temps qui intéressent Nolan. Ça m'intéresse. Ça m'étonnerait qu'on voit beaucoup moins, en fait, aussi Ulysse. Et qu'on passe beaucoup de temps avec, comme c'est le cas dans l'Odyssée, en fait, hein, avec son fils et avec ce qui se passe ailleurs. Enfin, on va voir. Un côté Rashomon, ou avec Ulysse qui ment tout le temps, ou qui raconte les histoires. Oh, attention, on va t'accuser de nouveau d'Emily Wilsonisme. C'est ça, exactement. En disant qu'Ulysse est un menteur. Bon, nous sommes largement écartés de la légende arthurienne, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant ces questions d'adaptation, parce que pour la légende arthurienne, en tout cas, ça a donné que maintenant, on a eu 20 ans de antiquité tardive slope, parce que ça coûte moins cher à mettre en scène, et parce que c'est. Voilà, et au point que ça déteint même sur le reste. Les Anneaux de Pouvoir, la série Amazon sur le Seigneur des Anneaux, c'est de l'antiquité tardive slop. Je suis désolé, vous regardez comment sont habillés les Numénoriens, on croirait des illustrations, on dirait que c'est des planches faites pour illustrer The World of Late Antiquity, quoi. C'est vraiment, mais il y a de ça, quoi, aussi. Donc, ça contamine même le reste de la fantasy, c'est dire. Enfin. On peut passer au plat principal d'aujourd'hui qui va être d'examiner justement ce thème de la loathly lady, de la dame repoussante, répugnante, horrible, qu'il faut épouser ou embrasser, etc. Et puis après on découvre qu'en fait, tu as passé le test, elle n'est plus si répugnante que ça. Voilà, alors elle existe dans dans trois récits en moyen anglais. On va vous en parler deux d'entre eux. Donc on parle du conte de la femme de... Pour être tout à fait correct, elle existe dans plusieurs récits en moyen anglais, mais on va vous parler de deux de ces récits qui sont arthuriens. Parce que, je vais vous le mentionner tout à l'heure, mais il y a des analogues non arthuriens. On va vous parler en l'occurrence du conte de la femme de Bath ou du conte de la bourgeoise de Bath, suivant qui vous demandez, de Geoffrey Chaucer, qui est donc un des contes de Canterbury, et de The Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnall, qui est à ne pas confondre avec The Marriage of Sir Gawain and Dame Ragnall. The Wedding, c'est un roman relativement court, c'est quelque chose comme 800 lignes, en moyen anglais, probablement début, milieu, 15e siècle, qu'on connaît par un manuscrit fin 15e, je crois, début 16e. Et The Marriage, par contre, ça, c'est une ballade beaucoup plus courte, qu'on connaît par le Percy Folio, qui est un grand ensemble de ballades assez anciennes, beaucoup en moyen anglais tardif, qui a été copié au XVIIe siècle, mais qui est sans doute pas mal plus ancien, enfin dont la matière est sans doute beaucoup plus ancienne. On vous en parlera peut-être une autre fois, parce qu'il y a plein d'analogues là-dedans à des ballades connues. Il y a un analogue du Carl of Carlyle, il y a un Green Knight qui est un analogue de Gawain le Chevalier Vert, il y en a plein, et je pense que ça mériterait un épisode à lui tout seul, parce que c'est une tradition assez différente, et ça va déboucher après sur une autre tradition anglaise, celle de la ballade transmise notamment par les Broadsides, des imprimés. Donc on est déjà dans un truc beaucoup plus tardif, en fait, et qui va aussi aller vers la tradition de Robin des Bois, par exemple. Donc là, on se concentre vraiment sur les parties romans en vers. Et donc, les deux principales du tournant du XVe siècle, c'est chez Chaucer et ce Wedding. Alors, Chaucer, la version de Chaucer se trouve dans les Contes de Canterbury. Les Contes de Canterbury, c'est le grand œuvre. Alors, il y a beaucoup de grands œuvres de Chaucer, hein, mais c'est la plus grande œuvre de Geoffrey Chaucer, en tout cas de volume. On n'en connaît que 24 de Canterbury. Il fait le plan d'en dire plus ou moins 120 au début. Il commence, Chaucer, le personnage de Chaucer dans les Contes de Canterbury commence à écrire comment il va aller à Canterbury avec toute une compagnie. Et l'hôte des Contes de Canterbury, l'hôte en fait du Tabard, l'auberge où il est à Southwark, au sud de Londres. Et il leur dit, on va faire un concours, je vais venir avec vous. Chacun d'entre vous, il y a une trentaine de pèlerins qui sont présentés. Il y a une tranche de toute la population médiévale. On a un chevalier, échantillon. Un échantillon, exactement. Il y a un chevalier, son fils qui est son écuyer. Vous avez un reeve, un genre de bailli. Vous avez un franklin, c'est-à-dire un genre d'homme libre. Vous avez des différentes sortes d'officiers ecclésiastiques, de prêtres, plusieurs prêtres, un frère, un moine, et des tas de professions aussi. Vous avez un marin, vous avez vous avez plein de protagonistes différents, et quelques femmes, dont notamment cette bourgeoise de Bath, cette femme de Bath, qui est une profession elle n'a pas de profession fixe, elle a été, je crois, fileuse, elle a travaillé dans plusieurs domaines, mais aujourd'hui elle est indépendante, elle se rend aussi en pèlerinage, elle raconte cette histoire. Parce que tu dis société médiévale, parce que là on est vraiment fin du XIVe siècle, autour de 1387, voilà. On est un peu plus tôt que le wedding qu'on va voir après. On est autour de 1390, la composition de Canterbury c'est dans les années 80-90 du XIVe siècle, donc on est vraiment à la fin, disons, un tournant du Moyen-Âge, parce que on est juste avant la guerre des Deux Roses en Angleterre, on est pendant la guerre de Cent Ans, Richard, c'est la cour d'Henri IV, qui est le fils du beau-frère de Chaucer, John of Gaunt. Donc Chaucer, c'est quelqu'un qui est très intégré à la cour et qui fait un poème qui recouvre en fait un peu toute la société médiévale et qui s'inspire grandement d'œuvres comme le Décaméron. C'est une collection de contes en fait. Il y a plusieurs, dedans il y a des tas de formules différentes. Le conte de la femme de Bath, c'est un genre de roman arthurien assez finalement un peu spécifique quand même, parce qu'il est adapté à sa narratrice, comme on va le voir. Oui, ce format très classique médiéval des contes enchâssés, où il y a des gens qui se retrouvent quelque part et qui, à tour de rôle, vont raconter des histoires. Mais la particularité du conte de Canterbury, quand même, c'est qu'ils ont tous un genre très particulier, ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous regardez le Décaméron, les histoires sont quand même parfois assez semblables. Là, c'est quand même un tout assez différent. Vous avez un roman d'inspiration assez classique, dit par le chevalier. Il y a la prieure, elle dit une espèce de vie de saint anti-juive absolument horrible. Vous avez des fabliaux, vous avez du conte comique, différent des fabliaux, vous avez des têtes, il y a un type qui fait un sermon, il y a plein de trucs différents en fait dans les contes de Canterbury. Mais par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi que ça insère ce matériel arthurien dans quelque chose de beaucoup plus large, en fait, une tradition littéraire au-delà de ça. Le fait de lire Le Comte et la Femme de Bath, on se rend bien compte, c'est pas en isolation, quoi. À côté de The Wedding, c'est un roman plus classique, de format tout à fait traditionnel. On n'a pas de contexte beaucoup plus précis, mais voilà, les deux œuvres sont. Alors, on ne sait pas si Le Comte et la Femme de Bath a inspiré Dame Ragnell, s'il y a eu un matériel différent qui a inspiré les deux. On sait que chez John Gower, donc il y a un collègue et ami de Chaucer, dans sa Confessio Amantis, il y a un conte de Florent qui est un analogue assez proche du conte de la bourgeoise de Bath, un peu différent. Donc c'est un chevalier qui s'appelle Florent à qui l'aventure arrive, mais lui, il n'a pas de... On va le voir dans Le Comte de la Femme de Bath, le chevalier à qui l'aventure arrive, ce n'est pas un personnage très sympathique. Là, c'est beaucoup plus neutre, la texture de la chose. Et c'est simplement dans Le Comte de Florent un discours sur le fait que les hommes... en amour, il est bon d'obéir. Le conte de la femme de Bath, c'est un peu l'inverse. C'est un discours sur l'important pour la femme d'être souveraine. Et c'est particulièrement adapté à ce que va dire sa narratrice, parce que les contes de Canterbury sont tous adaptés à leur narrateur. Le conte de la femme de Bath, ils sont tous précédés généralement d'un prologue pour les contes survivants, où le protagoniste, enfin le narrateur du conte en question va un peu se présenter son point de vue, et la bourgeoise de Bath, elle se présente, elle raconte ses mariages successifs, elle a eu 5 maris, elle est complètement, elle est présentée, on a vu ça comme une caricature antiféministe, et c'est clair qu'au début on a vu ça, on a pu aussi le voir comme un personnage parfois féministe, justement. Aujourd'hui, le consensus a l'air d'être un peu que... C'est un personnage assez ambivalent. Et d'un côté, il y a des éléments qui sont clairement tirés de matériaux vraiment antiféministes de l'époque, contre les femmes, contre leur insatiabilité sexuelle, contre leur côté ragoteur, contre leurs outrances, leurs excès. Le sexe féminin est vu comme un sexe excessif. Et il y a vraiment ça dans Chaucer. Mais il y a aussi... sans doute un point de vue un peu humanisant. Elle va complètement à l'encontre des normes de mariage traditionnelles, mais en même temps, on sent que chez Chaucer, il y a aussi une espèce de compréhension de ça, quelque part. Elle n'est pas présentée comme purement négativement, elle est vue comme tout à fait bien intégrée dans la société du roman, elle a un point de vue qui est, relativement accepté par la narration, elle n'est pas vue comme un personnage purement négatif, donc c'est un personnage assez complexe qui a beaucoup, beaucoup fait écrire à son sujet. C'est vraiment un des personnages les plus étudiés des contes. Et aussi parce que les contes qui suivent, en fait, les contes de Canterbury, on n'est pas certain de leur ordre exact, parce que les versions manuscrites ont souvent des ordres différents. On a eu différents groupements qui ont traversé les siècles. Alors certains pensaient que on le divisait en 9 groupes, après il y a eu une tradition de les diviser en 13 fragments. Mais en général, on rapproche le conte, parce que suivant comment, il s'enchaîne parfois assez naturellement, on passe de l'un à l'autre, il y a une référence au conte précédent et au conte suivant. Mais dans d'autres cas, il y a une rupture, en fait, on n'a pas de détails sur ce qui se dit entre deux contes. Et les contes de la femme de Bath sont... Il y a d'autres contes après qui parlent aussi de mariage et notamment des propos de la femme de Bath sur les frères, les ordres mendiants, en fait, qu'elle a en très basse estime, parce qu'ils sont accusés d'être un peu mauvais prêtres qui parcourent les bocages pour plutôt intéresser à séduire et à violer les femmes qu'à vraiment faire leur serment. Mais du coup, il y a tout un propos qui adapte le conte, on va le voir, à sa narratrice. Et c'est un cas un peu... C'est pour ça que je préface tout ça pour dire que c'est un conte vraiment très particulier. Il ne faut pas le voir simplement comme un conte arthurien qui est possible d'étudier pour lui-même, ne serait-ce que parce qu'il contient énormément de matière particulièrement qui ne fait pas de sens en dehors de l'histoire des contes de Canterbury et des propos de la femme de Bath au préalable, en fait. Et puis, The Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnell à côté, effectivement, c'est une œuvre qui est beaucoup plus simple, mais qui va être beaucoup plus aussi... qu'on peut étudier beaucoup plus pour elle-même et qu'il est plus facile d'adapter ensuite. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est cette version-là un peu plus qui a été, qui a sans doute une postérité plus importante hors des contes de Canterbury, je dirais. Pour lire Chaucer, alors bon, si vous voulez lire Chaucer, l'avantage de Chaucer, c'est qu'il y a une édition qui est à la fois l'édition de référence et l'édition étudiante par défaut, c'est le Riverside Chaucer, troisième édition. Le gros problème du Riverside Chaucer, c'est qu'il date de 1987 et il n'a pas été mis à jour depuis. Alors, il y a eu une réimpression en 2008 avec une jolie couverture pré-raphaélite et une nouvelle préface, mais c'est tout. Or, le problème, c'est que le texte en lui-même, bon, il est fiable, c'est un texte de référence. Si vous publiez sur Chaucer dans la Chaucer Review, on vous dit, vous citez Chaucer dans le Riverside Chaucer 3e édition, point barre. Mais le problème, c'est que toute la paracritique derrière... quand même très daté. Si vous lisez ça, alors il est encore donné comme œuvre de référence en cours. Hein, si vous allez faire un cours Chaucer en moyen anglais, on va vous dire d'acheter celui-là parce qu'il est de coup assez modique, tout le monde l'utilise et votre prof peut vous expliquer tout. Il peut vous dire non, lisez pas cette note-là, c'est plus considéré comme correct ou c'est une interprétation qui est très marginale maintenant. Mais si vous voulez vous lire Chaucer, je vous recommande pas forcément le Riverside. Les Contes de Canterbury, le texte du Riverside est disponible pour ce qui est des Contes de Canterbury en ligne gratuitement sur le site de l'université Harvard. L'éditeur en fait du Riverside vient d'Harvard, est un ancien Harvard, et vous pouvez trouver tous les textes des Contes de Canterbury avec des notes explicatives et surtout une traduction interlinéaire en anglais moderne, ce qui est assez littéral mais assez pratique du coup pour si vous débutez dans le bon moyen anglais. Donc si vous lisez l'anglais, c'est peut-être une bonne solution. Maintenant, si vous voulez pas lire, si vous voulez lire ça sous forme de livre, il y a une nouvelle édition des œuvres complètes de Chaucer, l'Oxford Chaucer, qui vient de sortir en coût assez comparable. C'est aussi en Europe, c'est l'Oxford University Press qui diffuse le Riverside. C'est aussi eux qui ont fait cet Oxford Chaucer. Donc, je vous dirais plutôt d'aller regarder par là. Je suis pas sûr que ce soit encore l'édition de référence, mais je pense qu'elle est vouée à le devenir parce que l'ancienne est vraiment trop inconvenante pour continuer à être utilisée en termes d'appareil critique. Je pense que c'est celle-ci qui va devenir la nouvelle édition de référence et elle est une trentaine de francs, puis vous avez toute Chaucer dedans. Donc, si vous voulez découvrir le moyen anglais, c'est une bonne piste d'entrée. Maintenant, si vous ne voulez pas lire en moyen anglais, il y a des traductions anglaises assez nombreuses. Moi, je vous recommanderais, si vous en voulez une sur papier, l'édition de Oxford World Classics, qui est due à David Wright et qui est introduite. Et les notes sont de Christopher Cannon, qui est l'éditeur du nouvel Oxford Chaucer aussi. C'est très bien, c'est assez poétique, ça se lit assez bien. En français, je crois qu'il y a une traduction d'André Crépin qui est disponible chez Folio dans les œuvres complètes de Chaucer en bouquin, donc vous n'avez pas tellement d'autres choix. Je sais que Jonathan Froco, qui est professeur à Grenoble, le principal chaucérien en francophonie, prépare une édition bilingue des Contes de Canterbury dans le cadre de ses œuvres complètes de Chaucer chez les Classiques Garnier, mais je crois qu'elle n'est pas encore parue, l'édition des Contes de Canterbury. Vous avez Troilus et Chrysaide et puis d'autres œuvres, mais voilà, c'est à venir en édition bilingue. Mm-hmm. Et évidemment, vous trouvez des traductions plus anciennes qui font le taf hein, en ligne. Maintenant, sur un conte comme celui de la Bourgeoise de Bath, ça vaut peut-être la peine de regarder au moins une traduction anglaise, je dirais, plus récente, parce que c'est possible que des traductions françaises un peu anciennes se basent sur des textes pas forcément, disons, exactement ce qui serait considéré comme correct aujourd'hui, disons. Mais voilà, vous avez... c'est facile de trouver Chaucer en anglais. Un peu plus difficile en français, mais voilà, si vous lisez l'anglais en tout cas, je vous recommande d'aller regarder le site de l'Université Harvard. Et puis en français, soit vous pouvez les trouver en ligne, mais ça vaudra la peine de garder l'œil ouvert si vous voulez lire ça avec une version bilingue, l'édition de Jonathan Foco. En plus, les Classiques Garnier, bon, ça reste abordable comparé à certains éditeurs académiques dans d'autres langues, disons. Ou en français même. Et puis du coup, l'histoire de la femme de Vase, bon, du coup, est un peu entourée d'un prologue, des réactions de l'audience après, et ça laisse un peu, la partie narrative du motif qui nous occupe va être un peu réduite à la portion congrue entre les références, les exemples. Ouais. Alors c'est ça, c'est l'œuvre s'inscrit, donc, comme on l'a dit, la plupart des contes de Canterbury ont un prologue qui présente un peu le protagoniste. Il y a un prologue général narré par Chaucer, le poète, donc le narrateur de la personne qui narre le personnage du conte, entre guillemets. On sait que c'est Chaucer parce qu'il est nommé tel quel dans les références du texte. Ses contes sont référencés. Quand il dit un conte, lui, c'est le tel de tatatin raconté par Chaucer. Mais évidemment, c'est un Chaucer fictif. Donc ce Chaucer-là présente chaque personnage, chaque personnage des contes et introduit l'histoire. Et ensuite, ils se présentent et ils racontent leur histoire. Et la femme de Bath. Je vous l'ai dit, c'est un texte assez anti-féministe parce que c'est en fait, elle se présente comme contrevenant à peu près à toutes les normes de féminité et de mariage de l'époque. Donc elle a des maris successifs qui lui passent tout, qui essaient de la satisfaire sexuellement. Elle a un appétit sexuel insatiable. C'est vraiment la particularité féminine au Moyen-Âge. On voit les femmes comme incapables de se contrôler. Son dernier mari, il la bat, elle se bat avec lui. Ironiquement, elle présente la relation comme la meilleure au final parce qu'ils se réconcilient, ils sont d'accord, ils s'entendent mieux jusqu'à la mort du mari, justement, qui est son cinquième mari, je crois. Alors, c'est, évidemment, ce n'est pas un modèle positif du mariage de l'époque, mais ironiquement, c'est peut-être celui qu'elle présente comme le plus équilibré au final parce qu'ils ont trouvé une entente. C'est très particulier. C'est une femme très particulière, très forte. Et on entend sa voix vraiment... on sent ça à la fois dans le conte, Et dans le prologue, qui la présente comme vraiment cette force de la nature, presque. Alors, le conte commence ensuite, après toutes ces présentations de sa vie et de ses différents maris, et de la façon dont elle conçoit la relation entre hommes et femmes, qui doit être, en tout cas, basée sur le plus de souveraineté possible et le plus d'autorité possible à la femme. Ben, le conte commence par expliquer... de façon un peu enfin c'est un peu abrupte, mais on passe de références très classiques et de philosophiques à un univers de contes de fées. En fait, on nous dit que voilà, le conte commence, donc les exemples classiques c'est soit biblique, Samson et Delilah, voilà, Socrate, Xanthippe, enfin c'est un peu les exemples de l'homme tourné en bourrique par la femme, Hercule et Omphale, etc. Exactement, et elle dérive ça de sa connaissance des, parce que là, un de ses maris a été un clerc qui lui a appris à lire et à écrire, donc elle a une maîtrise, disons, de ces œuvres-là philosophiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va, pour raconter son histoire dans le terrain, des histoires du roi Arthur. Et elle le dit, à l'époque du roi Arthur, dont les Bretons parlent avec grand honneur, font un grand cas. Et elle a aussi cette présentation. Elle explique, en fait, que c'est une époque où vivaient encore les elfes et les fées, qui ont été chassés plus ou moins de la Bretagne, dans cette notion de la fuite des traditions ancestrales. Il y a aussi un côté un peu celtisant hein, là-dedans, la référence aux Bretons. Et elle explique cette fuite, notamment des elfes et des fées, parce que le fait que maintenant, il y a des limiteurs, c'est-à-dire des prêtres qui sont dans un... des prêtres errants, des mendiants qui sont dans un secteur donné, qui viennent faire leur trajet en prêchant et qui chassent les elfes et les fées. Il y a beaucoup de polémiques contre les ordres mendiants dans les contes de Canterbury, c'est un des reproches fréquents qu'on leur fait, et qui, ne s'en prennent plus aux femmes comme les elfes et les fées, mais qui ne prennent que leur honneur, ce qui implique quand même qu'ils les violent, soit qu'ils les séduisent. Et elle enchaîne sur, ironiquement, c'était déjà le cas avant, parce que l'histoire raconte, est celle d'un chevalier anonyme, un chevalier bachelor, donc un knight bachelor, un chevalier... d'Arthur. Un lusty bachelor qui viole une femme, en fait. Il rencontre une femme et il la viole. Et c'est vraiment très... elle proteste, elle essaie de le repousser, mais voilà, non, il prend sa virginité et elle va aller demander justice et le roi Arthur le condamne à mort. C'est vraiment très, très, très bref. Hein, ça va de l'un à l'autre. On fait pas beaucoup de cas de ça. Il est condamné à mort, mais la reine et ses dames viennent demander, comme c'est leur droit, de pouvoir lui accorder la vie sauve. On n'explique pas pourquoi, mais le motif est évidemment l'intercession de Guenièvre. La reine et ses suivantes, toutes les affaires qui concernent les femmes, il faut leur demander leur avis. Et puis, on a l'impression, dans la plupart des romans, que de plein droit, Guenièvre et ses compagnes ont le... Là, c'est un peu différent quand même. Hein. Sur les femmes. Et en plus, la courtoisie exige que, quand un chevalier vient à la cour, on le remette à Guenièvre et puis que... Là, il y a quand même une différence parce qu'on nous dit qu'il aurait dû perdre sa tête by course of law, donc par, selon la loi, mais Guenièvre et ses femmes et ses dames protestent énergiquement et viennent plaider le roi. Donc c'est quand même un truc un peu hors de la norme qu'on nous présente ici. Et elles lui disent qu'il pourra, il est encore entre la vie et la mort, mais il aura la vie sauve s'il peut leur dire dans un an ce que les femmes désirent le plus. Voilà. What thing is it that women most desire? Donc, ce que les femmes... What women want. Donc, exactement comme ce que les femmes le film avec Mel Gibson. Voilà, ouais. C'est un peu l'idée. Alors, lui, il ne va pas avoir des pouvoirs magiques pour entendre la pensée féminine. Il va aller errer pendant un an et chercher de ville en ville, de village en village, ce que veulent vraiment les femmes. Et alors, on lui dit, évidemment, elles veulent être belles, elles veulent avoir un homme qui les satisfasse au lit, elles veulent des richesses, elles veulent être mariées et veuves fréquemment, donc sous-entendu pour obtenir les richesses de leur mari. Ouais. Et elles veulent être juste flattées et consolées. Et donc toujours ça, la bouche de la femme de Bath nous dit... He goeth full near the south, I will not lie. Donc il va près de la vérité. Et il explique, elle dit effectivement, les hommes, la meilleure façon de nous séduire, c'est de nous flatter. Et surtout avoir de la sollicitude et de l'attention. Mais alors après, elle enchaîne un discours dans sa propre voix. Et en fait, certains disent que ce qu'on aime mieux, elle se rapproche des femmes dans le récit, en fait, si on veut. Il y a vraiment un truc du conte de la femme de base, c'est qu'elle est. si vous lisez le Riverside Chaucer, ouais, y a pas, c'est pas très clair qu'il y ait eu beaucoup d'adaptations pour attacher le conte à sa narratrice, ce qui est évidemment faux parce qu'on le voit nettement, en fait, si vous examinez de près. Le texte est très très proche et elle va même régulièrement, quand elle explique ce que veulent les femmes, revenir dans ses histoires philosophiques, citer l'exemple de la femme du roi Midas et de... Enfin, il y a tout un cadre, une insertion d'exemples là qui continue, ce qui rend le récit vraiment... Alors, c'est un roman arthurien très simple, mais qui est en plus... Il y a toute cette couche du matériau, commentaire, ouais. Du commentaire de la femme de Bath qui revient dessus. Donc, ce qui fait que, finalement, l'œuvre est plus longue que son narratif ne le permettrait normalement. Donc, elle résume toutes les choses qu'on lui a dit à ce chevalier. Hein. Et elle est... Voilà, elle enchaîne les récits, mais enfin, il n'arrive pas à trouver précisément, il n'est pas sûr et il est certain qu'en fait... Il n'a pas trouvé ce qu'il fallait dire, en fait. Parce que tout le monde lui dit une réponse différente, en fait. C'est ça qu'on pourrait se dire, on va le voir après dans The Wedding, il sait pas qu'il n'est pas certain d'avoir trouvé la réponse. Il sait qu'il n'a pas la bonne réponse parce que tout le monde lui dit quelque chose de différent, en fait. Et il se dit que si quelqu'un m'avait dit la vérité... Je le saurais tout de suite parce que d'autres personnes me l'auraient dite ou ça aurait été... ça aurait été la vraie réponse. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, le fait est que l'insertion de ces exemples-là, typiquement, quand elle commence à raconter l'histoire de la femme du roi Midas, donc le roi Midas a des oreilles d'âne et sa femme le sait, et elle refuse elle doit pas le dire à qui que ce soit, mais elle a besoin de le dire, elle a besoin de parler, donc c'est le côté les femmes sont toutes des pipelettes. Et en fait, elle va le dire dans l'eau. Et en fait, pour montrer à quel point ça c'est aussi là pour donner ce côté un peu... féerique. Non, pas féerique, mais vécu, justement. Le fait est que le conte doit être vu comme quelqu'un qui vous raconte une histoire un peu dans tous les sens. Mm-hmm. Et elle interrompt son récit, puis dit « Bon, maintenant, elle a dit le truc dans l'eau, mais pour la suite, allez lire Ovid, vous verrez, c'est dans Ovid. » Donc, il y a vraiment ce côté un peu... trouble de l'attention, quoi. Elle va être déviée par son propos central qui est, voilà, ce que veulent vraiment les femmes, plus que l'aventure en elle-même. Et donc, il arrive, il est en chemin pour rentrer, et là, il voit d'un coup 24 dames qui sont en train de danser et de se danser dans les bois, mm-hmm. et qui passent devant lui et qui disparaissent. Et il décide de les suivre. Et donc, il y a ce côté un peu, voilà, féerique. C'est à la limite la traversée des elfes chez Tolkien aussi, un peu le côté, on voit passer un cortège un peu étrange. Mm-hmm. Et là, c'est l'introduction du côté féerique, vraiment, du roman. Et avec aussi le chiffre... 24. 24, souvent, ça peut aussi être 12. Par exemple, il y a un petit fragment de la post-vulgate où Lancelot se retrouve sur une île avec 12 femmes et on peut penser que c'est une île féerique avec un tel multiple. Voilà. Et il essaie de s'approcher d'elle et en fait, elles disparaissent, mais il voit une femme assise sur l'herbe qui est absolument... Enfin, elle ne nous la décrit pas vraiment, en fait. C'est ça qui est intéressant. La femme de Bath dit juste que vous ne pourrez pas imaginer quelqu'un de plus moche qu'elle, en fait. Voilà. C'est juste une vieille dame. Très moche, mais voilà. Elle n'a pas de côté surnaturellement moche, disons, dans le conte de la femme de Bath. Elle est vraiment juste voilà, moche, ouais. Laide, ce que vous voulez, quoi. Et elle lui dit, voilà, Sire Chevalier, il n'y a plus de route ici. Vous faites fausse route. Mais elle sait clairement ce qu'il fait là, et elle va lui dire « Vous avez quand même fait un bon tour, parce que Dieu sait que nous, les vieux, avons des bonnes choses à vous dire. » C'est vraiment la vieille platonique de Perceval, en fait, un peu. et du coup, lui, il explique « Je suis aussi... I'm as good as dead, je suis aussi bien que mort. Si vous ne pouvez pas me dire ce que veulent les femmes veulent le plus, je pourrais vous payer richement pour ça. » Et elle lui fait promettre, en fait, que... Je vais te dire ce que veulent les femmes, et après je te demanderai quelque chose de toi qui sera dans ton pouvoir et tu me l'accorderas. Et il dit oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et elle dit voilà, c'est bon, ta vie est sauve. Je dirai à la reine, je te dirai ce qu'il faut dire à la reine, et elle te dira que c'est exactement ça. Et donc elle sait, en fait, il lui a pas dit que c'était la reine. Elle sait clairement le challenge qu'il avait eu. Lui, il n'a pas dit pourquoi il était mort s'il lui disait pas ça. Et donc voilà, ils repartent vers la cour. Et de nouveau, on n'a pas une description très, très... contrairement, par exemple, à ce qu'on avait vu avec les contes, les romans qu'on a vus la dernière fois et qu'on verra aussi avec Dame Ragnell, il y a très peu de descriptions chez Chaucer. C'est vraiment... l'histoire est vraiment un presque un prétexte pour le propos de la femme de Bath, en fait. Oui, on est plus en train de lire une espèce de... On est plus proche, là, d'une fable de La Fontaine, que y a pas forcément... Il y a des descriptions des attitudes des gens, de ce qu'ils font, mais on passe pas 20 minutes à décrire les colliers, les pierres, ce genre de choses. Voilà. Et alors, elle lui dit à l'oreille, voilà, c'est, enfin, elle lui arrive, elle lui dit clairement ce qu'il faut dire, mais elle ne dit pas, c'est pas dit ouvertement, jusqu'à ce qu'il arrive. Et ensuite, voilà, il arrive à la cour, on nous dit que toutes les femmes sont assemblées, la reine est dans la chaise de justice, qui est donc la prérogative du roi. Il y a toute une femme, il y a plein de femmes et de veuves notamment, et tout le monde sait que les veuves sont très sages. Parce que la femme de Bath est veuve, évidemment. Mmh. Parce qu'il y a des maidens, des jeunes filles, des nobles dames, des veuves. Et il leur dit, voilà, d'une voix sonore, en général, madame, les femmes veulent avoir la souveraineté, ou, je crois qu'elle utilise dominion ou souveraineté. Sovereignty. Sovereignty, on peut traduire dominion en anglais, mais c'est, voilà. Women desiring to have a sovereignty as well over her husband as her love. Donc, à la fois sur leur mari et sur leurs amants, ou sur... Sur son amour. Alors, je pense qu'ici, on doit aussi voir l'amant. And for to be in maestri him above. Donc, d'être supérieur à lui en toute chose, en gros. Voilà. Voilà votre désir le plus fort. Et dans la cour entière, il n'y a ni femme, ni jeune fille qui peut contredire ça. Et donc, voilà. Tout le monde décide qu'il mérite d'avoir la vie sauve. On ne nous dit pas ce que pense la femme qui l'a violée, d'ailleurs. Mais, sous-entendu, on peut penser qu'elle est d'accord quand même. Mais voilà, et là, la vieille dame, donc du coup, saute sur ses pieds et dit, voilà, madame, avant qu'on se disperse, on m'a dit qu'il m'a fait promettre, il m'a fait la promesse que, voilà, il m'accorderait ce que je voulais. Et du coup, elle demande, voilà, devant cette cour, Sire Chevalier, vous allez me prendre comme femme. Et lui, il est là. Ah non! Non! Oh là là! Non, j'ai bien promis ça. Alors, mais et puis, s'il vous plaît, choisissez quelque chose d'autre. Prenez tous mes biens matériels, mais laissez mon corps sain. Sauf. Et non, et du coup, non. Je ne tolérerai rien de tout ça. Non, pour tout ça, je ne serai rien d'autre que votre femme et votre amour vrai. Et il dit alors, non, mon amour, non, vous serez ma damnation. My love is sad, nay, my damnation. Mais non, voilà, ça sera la fin de ma. Que pensera ma famille, en gros voilà, non. Mais il ne peut rien y faire. Et en prenant sa femme âgée, il va au lit. Et voilà, donc, en fait, on nous dit plus un peu l'ambiance que le détail. On nous dit pas les festivités, mais on dit voilà, il n'y a pas de joie, pas de fun. Il n'y avait rien du tout de joyeux dans ce mariage. Et ce qui est rigolo, c'est que une phrase que j'aime beaucoup. And all day after he'd him as an ole, so woe was him, his wife looked so foul. Mais foul, ça veut dire foul, donc foul, moche, ou enfin, ça peut être maléfique, ça peut être mauvais, mais c'est aussi un mot pour dire oiseau, en fait, c'est foul, avec O-W, et ça s'écrit la même chose, en fait, en moyen anglais. Et donc, du coup, la blague, rime. C'est que ça rime avec lui, qui se cache comme un hibou, owl, ouais. Et elle, qui est foul. Ouais. Et de nouveau, ce jeu sur l'oiseau et le hibou, et le hibou, l'oiseau, et le foul, donc le côté mauvais, c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver dans The Wedding of Sir Gawain and Dame Ragan. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui l'oiseau, l'owl. Hein, retenez ça. Puis c'est à cette période qu'on a aussi The Parliament of Fowls. De Chaucer, justement. C'est Chaucer qui écrit Le Parlement des Oiseaux. Et que ça devient ce motif qui va essaimer autour aussi de la poésie de la Saint-Valentin, de l'oiseau qui trouve sa... Enfin, de l'oiseau comme représentant du couple. Le couple, oui, parce que les oiseaux vivent toujours par deux. C'est une association médiévale assez fréquente. C'est pas que chez Chaucer. Hein, mais Chaucer a un Parliament of Fowls. Donc voilà, ils se retrouvent au lit ensemble. Et il se tortille, il refuse. Bah, clairement, il refuse de coucher avec elle. Et elle lui dit, mais tous les maris à la cour d'Arthur font comme vous. C'est quoi ces façons de faire? Il y a un côté un peu Camelot d'Abragnel. La conversation au lit qu'on voit pas toujours dans la littérature arthurienne. Il n'y a pas beaucoup de scènes au lit. Mais là, c'est très Camelot pour le coup. Voilà. Une autre vision d'Alexandre Astier. Et elle lui dit, mais c'est vraiment comme ça. Je suis quand même votre vrai amour. Je suis votre femme. Je vous ai sauvé la vie. Vous devriez vous comporter un peu mieux. Elle t'a sauvé la vie. Et puis, lui, il se lamente, il est vraiment... en fait, il se lamente, on verra qu'il se lamente plus comme Arthur dans The Wedding que comme Gauvin. Mais voilà, il est... vous êtes moche, vous êtes vieille. vous êtes, c'est marrant parce qu'il dit you are hideous, old and plain. Plain, on dirait plutôt un peu un côté ouais pas, sans intérêt. Sans intérêt, mais c'est pas, c'est un peu un contraste un peu rigolo avec avec le côté vraiment moche quoi. Parce qu'on, ouais. Bon, si elle est, elle est plain, elle est pas forcément ultra moche. Mais voilà, et surtout aussi so basely born, vous êtes vraiment pas bien né en fait. Vous n'êtes pas une noble dame. Ouais. Donc il y a toutes les raisons du monde pour que je sois pas amoureux de vous. Donc c'est pas étonnant que je sois en train de me tourner dans tous les sens comme ça, si seulement Dieu faisait exploser mon cœur. Et puis elle lui dit, c'est vraiment la cause de votre détresse, mais il faut, je pourrais y remédier, mais il faudrait que vous vous comportiez de façon plus courtoise que ça. Elle a tout ensuite un discours qui est dans sa bouche, mais qui est clairement aussi dans la bouche de la femme de Bath, sur la genre, sur la, le comportement attendu des hommes. Elle cite Dante. Ouais. Elle cite vraiment des exemples assez anciens aussi. Elle lui suggère de lire Valerius, Tullius Sénèque. Il y a littéralement lit Sénèque. Read Seneca and Boethius as well. Donc elle lui dit vraiment, elle compare elle lui dit lit Sénèque, compare-toi aux hommes de l'Antiquité. Il faut, enfin, elle parle de la vertu des hommes. Elle a tout un discours sur, voilà, les men these days, en gros, un peu, ouais. Ce qui est assez rigolo. Mais vraiment, ça prend une part importante. Ce discours, il est presque plus long que toute leur rencontre initiale, tu vois. Elle cite Juvenal aussi. Ouais, ouais. On a vraiment tout un panorama. Donc c'est pour ça que qu'on vous dit, c'est impossible de dissocier ça du prologue en fait, où la femme de Bath cite le même genre d'exemples et d'œuvres en fait. Mm-hmm. Mais voilà, tout un discours sur en gros l'importance de la vertu, d'être content avec son sort, de pas la pauvreté, c'est quand même quelque chose de pas si mal, de pas avoir une femme super belle. Et à la fin, elle lui propose deux choses. Elle propose en fait finalement un choix. Parce qu'elle dit, il y a quand même un avantage à avoir une femme moche, c'est t'as pas peur voilà. que je te trompe ou que je... C'est ça, c'est son propos. Elle commence à voir sur la vertu, ouais. L'acceptation du sort, les héroïques, etc. Aussi par contraste avec le fait, si tu te retrouves dans cette situation, mon coco, c'est quand même que t'as commis un crime, ouais. Et t'as violé une femme, donc t'as beau jeu de te plaindre. C'est sous-entendu, mais c'est pas dit explicitement. Mais c'est, voilà, elle le compare à des hommes ultra vertueux, donc forcément à côté. Et derrière, elle finit... À ton propos, donc ouais, effectivement, je suis effectivement vieille et moche, mais tu n'auras aucune peur d'être un cocu, parce que la vieillesse et l'âge sont les meilleures gardes du corps pour la chasteté. Mais si je sais que c'est apparemment ce que tu désires, ce que toi tu désires le plus, ce qui te donne le plus de délices, je vais satisfaire tes appétits sensuels et je vais te proposer un choix. Choisis une de deux choses. Soit je serai vieille et moche jusqu'à ma mort, mais une femme true and faithful, donc une femme, je te serai vraie et fidèle, et je ne te décontenterai jamais de toute ma vie, ou alors tu m'auras belle et jeune, et à toi de voir si tu veux avoir tous ces hommes qui viennent à la maison pour me voir, ou que j'aille les voir ailleurs, je te fais aucune promesse sur mon comportement, en gros. C'est quelque chose qu'on va voir aussi avec Dame Ragnell, avec un autre choix. Oui, le choix est différent avec Dame Ragnell. Le choix est différent, mais il y a cette alternative. Est-ce que tu préfères une femme moche et fidèle ou une femme... Alors, chez Dame Ragnell, c'est pas la même alternative. Non, c'est pas la même alternative. Est-ce qu'elle sera moche, mais avec un avantage certain en termes de un côté positif, ou belle, mais du coup avec un côté négatif. Côté négatif. Et puis Dame Ragnell, ce serait est-ce qu'il préfère la nuit ou le jour. C'est ça. On verra que ce sera différent. Mais il y a toujours un dilemme, en fait. Il n'y a aucune solution qui est bonne. Parce que soit j'ai une femme infidèle, mais alors effectivement elle est très belle. Soit j'ai la meilleure femme de tous les temps, mais elle est très moche. Bon. Elle lui dit, choisis pour toi-même ce qui te plaît le plus. C'était avant qu'on invente le dilemme du tramway, c'était ça, les dilemmes moraux médiévaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il passe pas beaucoup de temps, en fait. Il a compris, en fait, quelque part. Il réfléchit un petit peu dans sa tête et il soupire. Et il dit, enfin, ma femme et mon amour, donc elle, my dear wife too, il a vraiment complètement accepté que c'est son épouse. Je me place sous ton autorité. Choisis ce que toi, tu trouveras le plus plaisant, le plus honorable pour toi et pour moi aussi. Pour moi, peu importe, c'est égal. Comme on l'a dit, c'est un dilemme un peu insoluble. Donc, de toute façon, effectivement, dans les deux cas, j'ai des avantages et des désavantages. C'est à toi de choisir ce qui te plaira, ce qui te satisfera et bien pour moi. Ah, il a retenu la leçon que les femmes... Il a retenu la leçon, évidemment. Et elle lui dit, effectivement, du coup, j'ai maîtrise sur toi et je peux choisir comme je veux. Certainement, je pense que c'est le mieux. Et elle dit, kiss me, Quatchy. We be no longer wroth. Nous ne serons plus en colère, nous ne sommes plus fâchés. For be my truth, it will be to you both This is to say, yeah, both fair and good. Donc, je serai à la fois fair, belle et bonne, donc fidèle. Et je serai, en gros, que Dieu me fasse mourir folle si je ne suis pas la meilleure femme qu'il y eut depuis que le monde était jeune. Et donc, je serai meilleure que toute reine. Si je ne suis pas aussi, et aussi si je ne suis pas aussi belle que toutes les reines, les impératrices et dames de l'est à l'ouest du monde. Donc, en gros, je serai la plus belle femme du monde et la plus fidèle. Et il la regarde et il y a un sous-entendu qu'ils sont séparés par un rideau parce qu'il lève le rideau et il la voit. Effectivement, elle est aussi belle que jeune. Il la prend dans ses bras, il l'embrasse et elle lui obéit en fait en toutes choses. Mais par contre, on lui dit donc du coup, on ne dit pas qu'il lui obéit en toutes choses hein, à la fin quand même. Donc il y a un côté un peu ambigu là-dedans, mais la femme de Bath nous dit, voilà, ils vécurent jusqu'à la fin de leur vie dans la joie la plus parfaite. Et puis Jésus-Christ nous envoyait des maris qui sont tendres ou disons doux et jeunes et actifs au lit et nous donnait la grâce de vivre plus longtemps que ceux que nous marions et prions à Jésus de raccourcir leur vie à ceux qui ne seront pas gouvernés par leur femme en gros. Donc voilà. Et pour tous ceux qui sont avares et qui ne dépensent pas, donc sous-entendu qui ne dépensent pas pour leur femme, que Dieu leur envoie de la pestilence. Voilà. Donc elle reste sur la même ligne, quoi, en gros. Donc c'est vraiment plus un conte pour la femme de Bath qu'un conte arthurien. Le matériel arthurien ici, pour moi, il est quand même très intéressant parce ce qui révèle plutôt de la façon dont on voit la place de la matière de Bretagne dans la littérature plus globale, dans les yeux de Chaucer, qui est quand même un poète qui a écrit dans pas mal de styles différents, qui a écrit de la prose aussi, qui a écrit des travaux scientifiques, qui est chevalier, qui est de la petite noblesse, il est chevalier, il est appelé au Parlement, donc il entre dans la petite noblesse, mais son père était, je crois, marchand de vin, donc il vient d'une famille plutôt bourgeoise, il se marie à une dame, fille de chevalier du Hainaut, son épouse en fait, le père de son épouse était venu à la cour anglaise donc d'Édouard III avec, c'était un chevalier flamand ou brabançon de la cour de Philippa de Hainaut qui était la femme d'Édouard III. La sœur de Philippa Chaucer, donc elle s'appelait aussi Philippa, la femme de Chaucer, Marie Jean de Gand, donc un des fils d'Édouard III, l'oncle de Richard II, le père du roi Henri IV. Donc, il a vraiment une ascension sociale assez forte, Chaucer. Sa famille est montée en grade, disons. Et il a à la fois cette vision. Il connaît bien la bourgeoisie, il connaît bien la petite noblesse et la haute noblesse. Et là-dedans, on peut voir que fin du XIVe siècle, c'est qui lit un conte arthurien dans ce contexte-là? C'est une bourgeoise de Bath. Pas particulièrement, alors certainement elle a de l'argent, elle a tout lu, alors elle est très aisée, on dit pas si le mari va survivre aux trois références à Juvenal et à Tullius. Non mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, elle a connu tout ça et ça sert son propos, c'est aussi un côté satirique, le fait qu'elle lise tout ça, c'est un peu hors de propos, il y a clairement un côté, c'est un personnage un peu particulier, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans ce contexte-là, le fait qu'elle dise un récit arthurien, c'est comme pour nous montrer, je pense en partie, ce qu'on attend de quelqu'un comme ça, normalement, en fait. Elle le tord dans tous les sens, elle rajoute ses références classiques dedans, mais fondamentalement, c'est socialement ce qui est aussi adapté à son public. Et on voit ça aussi, on vous a beaucoup parlé des textes en moyen anglais, mais la raison même, le fait que ce soit en moyen anglais, c'est parce qu'elle fait partie d'une classe de population qui peut peut-être pas lire le français. Par opposition, par exemple, dans les Pèlerins de Canterbury, il y a la prieure, dont on nous dit, alors là aussi elle est un peu particulière, mais elle est très fière de son français et qu'elle a appris à Strictly by Bow, je crois. Elle parle très bien français, mais elle parle un français quand même d'Angleterre, qui n'est pas un vrai français, qui n'est pas le bon français du continent. Ouais. C'est un peu le commentaire de Chaucer là-dessus. Mais ça montre aussi le fait que, contrairement à la femme de Bath, elle parle le français. Donc ça dit aussi un peu l'horizon littéraire que pour présenter les textes arthuriens en moyen anglais. C'est une partie de la population qui est. Pas forcément la noblesse qui était le public cible chez Chrétien, quoi. Bon, rien de neuf, on vous en a pas mal parlé déjà, mais c'est une illustration assez nette de ça. Et c'est aussi intéressant le fait de voir ce que j'ai trouvé le plus intéressant là-dedans quand j'ai étudié à l'université, c'était aussi ce côté, cette lecture un peu c'est de là dire que c'est une relecture un peu qui insuffle un examen des questions féminines dans la matière de Bretagne, c'est peut-être un peu vite dit parce que le récit passe pas beaucoup de temps là-dessus quand même, mais c'est quand même intéressant que ça intervienne effectivement dans ce contexte d'un chevalier qu'on a fait anonyme plutôt que d'attribuer à un chevalier qui pourrait commettre un acte aussi maléfique. Y a clairement une espèce de distance prise pour renforcer le propos particulier de la femme de Bath. Mais voilà, la façon dont c'est présenté comme un conte breton, comme cette référence aux les Bretons, au fait qu'on raconte quelque chose qui s'est passé il y a longtemps dans un côté féerique, un côté un peu surnaturel, c'est quelque chose qui est en fait qu'aujourd'hui tu fais référence à cette vision un peu moderne, un peu celtisante, mais quelque part elle est déjà là-dedans en fait. Il y a ce côté un peu antiquisant là-dedans. Aussi vu comme une satire contre les... En l'occurrence, sa réplique se fait aux frères et aux limitours, donc aux mendiants qui vont errer en prêchant, parce que c'est le frère qui reprend derrière et qui va aussi commenter sur ce que dit la femme de Bath. Lui-même, il a des disputes, notamment avec d'autres pèlerins. Donc, il y a clairement un côté un peu, disons, hors cadre. Hein. Le côté arthurien là-dedans, il est un peu ancillaire. Au conte en lui-même, et le conte n'aura pas beaucoup d'influence, je pense. Je suis pas sûr qu'on faille y voir une influence sur le Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnall qu'on va voir dans une minute, mais je pense que c'est une lecture intéressante pour se représenter la perception que ça peut avoir, ce genre cet univers littéraire là, en tout cas dans l'Angleterre de la fin du XIVe siècle. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Oui, puis c'est aussi, y a une autre, disons, j'aime bien la fin où on voit qu'il a compris la leçon, les femmes veulent la souveraineté, puis il y a une autre lecture possible qui est qu'il a juste été assommé par ce déluge d'autorité classique et qu'il a été vaincu par les faits et la logique, enfin, par les autorités et la logique, mais aussi... s'il peut plus réfléchir, en fait. Puis c'est intéressant pour le côté un peu court, parce que c'est un format, en fait, d'histoire qu'on voit assez rarement, parce qu'on a soit des poèmes beaucoup plus... ces poèmes plus tardifs, plus fleuris, ou bien... de la prose, mais qui est assez différente, et aussi intéressant pour la question justement du public féminin de ces œuvres-là. Si on le met dans la bouche d'une femme, c'est peut-être pas innocent. On avait ces œuvres qui étaient dédiées à des femmes, à Marie de Champagne ou encore à la femme. Oui, même quand on parlait de la noblesse, effectivement, c'était une littérature très féminine. Ce qui est aussi intéressant. C'était encore la haute noblesse, hein, aussi. Oui, oui. Escanor à la fin du XIIIe, qui est dédié à la reine d'Angleterre. C'est ça qui est intéressant. En fait, là-dedans, je pense le fait que ce soit précisément. Même à une époque, même si ça transcende les couches sociales, c'est clair que c'est plus le même public que la haute noblesse de Champagne ou d'Angleterre du XIIIe siècle, mais ça reste un public féminin. Et du coup, c'est aussi intéressant que ce soit une femme qui raconte ce conte. Je pense qu'il faut aussi voir peut-être dans le fait que le récit est quand même très peu fleuri. Bon, Chaucer s'adapte beaucoup à ses narrateurs. Si vous lisez par exemple le conte du chevalier, c'est très très différent la façon dont le récit est écrit. The Reeve's Tale, le conte du Reeve, donc du bailli ou du je sais plus comment traduire en français Reeve, mais c'est un employé seigneurial en gros, où il met dans la bouche de certains personnages un accent du Nord, parce qu'il a c'est une des premières exemples d'accent phonétique rigolo dans un récit de fiction. Il y a une adaptation là-dedans, et là je pense que le fait que on entre entre un récit très simplifié et le côté un peu exemplat moraux qu'elle cite, c'est ça rend le truc un peu un peu plus rapide à lire que le ferait un conte, malgré le fort contenu, disons, didactique ou pseudo-didactique du conte de la femme de Bath. Après, c'est aussi le fait que Chaucer, c'est aussi un poète qui sait exactement ce qu'il veut faire. Hein. C'est un poète très, très accompli. Le texte, si vous lisez les contes de Canterbury, ça va vraiment, souvent, ça va vraiment à l'essentiel, sauf quand le propos est justement de ne pas y aller. Un des contes attribués à Chaucer, donc que dit Chaucer dans les contes de Canterbury, c'est le conte de Sir Thopas, qui est un conte pas arthurien explicitement, mais un récit de chevalier stanzaïque, mais pour le coup vraiment parodique, qui est tellement nul qu'au bout de quelques paragraphes, l'hôte l'interrompt et lui dit « Non, stop, je peux plus en entendre, c'est horrible ce que tu racontes, va raconter un autre conte. » Et il raconte le conte de Mélibée, qui est justement un peu l'inverse en fait, c'est un conte moral absolument imbitable, en prose, horrible, et qui les endort tous. Donc c'est un peu les deux extrêmes qu'on a dans La Femme de Bath qui sont combinés en un quelque part. Mais voilà, le conte de La Femme de Bath, c'est vraiment une... lisez les contes de Canterbury, lisez Chaucer, c'est bon. Vous l'aurez remarqué, hein, c'est ma demi-heure chaucerienne aujourd'hui pour vous convaincre d'aller lire le, le, un des plus grands littérateurs de la langue anglaise, toute période confondue. Après, bon, c'est sûr que Chaucer, c'est quand même particulier. Hein. C'est vraiment il occupe une place un peu peut-être disproportionnée, ne serait-ce que par la quantité d'œuvres qu'on a de lui de conservées. Mais il y a aussi d'autres grands poètes hein, en moyen anglais. On a parlé de Gower, dont le conte de Florent, je vous ai dit, hein, c'est un analogue. On ne sait pas si Chaucer s'est inspiré de Gower, s'ils avaient les deux une source identique. Ce qui est sûr, c'est que dans Gower, Florent ne viole personne. En fait, il tue quelqu'un. Il tue un homme et c'est ensuite qu'il tombe sur la dame, il doit répondre à la réponse. Enfin, c'est un cas plus standard, disons, pour un chevalier. Et y a pas c'est beaucoup plus simple, en fait. Tout le propos du texte, c'est qu'en amour, quand on est un amant, plutôt le côté amour courtois, la confession amantis, c'est une collection aussi d'œuvres, de petits récits sur l'amour, en fait. C'est la confession d'un amant au chapelain de Vénus et il raconte des exemples voilà, de grands amants, célèbres dans certains cas, dans d'autres cas pas du tout. Format aussi très variable, dans des styles un peu variables aussi. Mais le conte de Florent, c'est clair que c'est vu comme un truc plus en amour courtois, l'obéissance de l'amant comme valeur un peu importante. C'est beaucoup moins orienté sur l'importance pour la femme d'être souveraine. Donc c'est possible que le matériau de base soit identique. C'est assez douteux si l'un s'est inspiré de l'autre. Je pense que c'est plus probable qu'ils ont une source commune, qui est peut-être aussi la source qui a inspiré le conte de Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnall dont on va vous parler. Et on va gentiment enchaîner sur justement ce wedding. Et nous revoilà, donc on va vous parler maintenant, après Chaucer, on va parler d'un de ses analogues. Donc le comte de la femme de Bath avait un chevalier anonyme et une dame qui lui proposait soit d'être fidèle mais moche, ou très belle mais avec le risque qu'elle ne soit pas fidèle, c'était même pas assuré qu'elle ne soit pas fidèle d'ailleurs, hein, c'était un sous-entendu. Et bien dans The Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnall, déjà vous avez une différence assez importante, c'est que les protagonistes sont nommés, le chevalier ce sera ici Gawain et la dame en question s'appellera Ragnall. Enfin, quand je dis protagoniste, est-ce que c'est vraiment les protagonistes ou est-ce que c'est pas plutôt Arthur le protagoniste, on va voir, hein. C'est un peu différent. Et surtout l'autre différence, ça va être dans le choix qu'elle va proposer à Gawain, qu'on va voir dans une minute. Sir Gawain and Dame Ragnall, c'est un texte qui nous est connu par un manuscrit du XVIe siècle, hein, je vous l'ai dit, qui est donc un manuscrit très tardif. Oxford Bodleian, ouais, Rawlinson C86. C'est Bodleian 11951, parce que évidemment la Bodleian, il y a beaucoup de manuscrits. Madden, qui est donc l'éditeur, le Frédéric Madden, qui est un des grands éditeurs du moyen anglais et de l'anglais médiéval en général, caractérisé comme très mal écrit, écrit dans une main négligente et très écrit très very carelessly written, donc écrit très négligemment, très peu de distinction par exemple le i et le y. Donc du coup c'est une édition qui est un pas simple à refaire. Le texte est probablement un peu plus ancien, peut-être début 15e, milieu 15e, suivant comment. À une époque on avait tendance à dire ouais ça a 50 ans de plus, maintenant je pense qu'on est un peu plus tendance à dire que c'est un peu plus ancien. Il est assez connu. Il a été pas mal diffusé parce qu'il était souvent rassemblé avec d'autres analogues. Il y a un Whiting qui a fait un chercheur qui a fait une collection d'analogues et de sources des contes de Canterbury, en fait, de Bartlett Whiting, qui a réimprimé ça là-dedans, dans une édition qui était due à Laura Summer, qui est la première édition, disons, moderne, en 1924. Et du coup, après, derrière, ça a été pas mal diffusé, repris dans d'autres collections, utilisé aussi assez souvent comme travail d'édition pour des dissertations ou des traductions, comme dissertation ou comme thèse. Donc il y a eu une certaine activité d'édition autour. Vous avez en gros trois éditions. On a l'édition du bouquin dont on vous avait parlé la dernière fois, enfin le bouquin dont les éditions sont maintenant en ligne, c'est le texte des Middle English Texts. Donc le volume s'appelle Sir Gawain 11 Romances and Tales, donc 11 romans et contes de Sir Gawain, et contient à la fois ces romans, donc on avait parlé d'Awanters et Avowing la dernière fois, il y a The Wedding of Sir Gawain, il y a Sir Gawain the Carl of Carlisle, dont on parlera sans doute la prochaine fois, et une bonne partie aussi de ces poèmes plus tardifs du Folio Percy. Donc c'est alors je vous dirais que c'est un bon investissement, mais de toute façon vous le trouvez en ligne dans comme je vous l'ai dit, le site des Middle English Texts a été récemment mis à jour, il est très très joli maintenant, très utilisable. Donc si vous voulez le lire, si vous voulez le lire en ligne en moyen anglais, c'est une bonne solution. Vous avez aussi l'édition dont je vous avais parlé la dernière fois pour Avowing et Hunters, qui est l'édition Norton due à Stephen Shepherd, qui est très bien parce qu'elle a elle a beaucoup de gloses. Elle est plus simple à lire aussi parce qu'elle est présentée comme l'édition Metz en version en strophe, en fait. C'est une version. Le texte a été écrit à la suite, mais clairement, il y a une rime strophique. Donc c'est une... l'édition Norton est bien pour ça, elle est plus simple à lire. On a aussi les deux sous les yeux, Laïs et moi, le bouquin de Donald B. Sands qui s'appelle Middle English Verse Romances, qui contient une petite collection de romans assez pratiques. Moi, j'ai pas mal utilisé ça pendant mon bachelor, avec des romans anciens, Havelock, Kinghorn, Athelstan, des lais bretons comme Sir Orfeo, Sir Lamphal, qui sont donc dus à plus ou moins originaux. Et puis, il y a une version de The Squire of Low Degree, et puis quelques récits arthuriens, dont notamment The Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnall. Cette édition-là, elle est un poil plus ancienne, elle est due à quelqu'un qui s'appelle Donald B. Sands, et je ne crois pas qu'il l'a, de mémoire, il ne l'a pas retenu avec des strophes, il l'a fait en long paragraphes qui ne sont pas super simples à lire. Après, c'est un schéma, il faut le dire, le schéma de Sir Gawain and Dame Ragnall, c'est un schéma A, A, B, C, C, B, D, D, E, F, F, E. Donc, c'est quand même des grosses strophes. Oui, mais les strophes, elles ont quand même un sens. Quand tu les lis en strophe, les répétitions de propos font plus de sens, en fait. Un peu comme on avait vu dans, dans Avowing Enters. Mais voilà, c'est... C'est vrai qu'il pourrait y avoir une petite séparation. Voilà, y a, je crois qu'il y a des traductions en anglais moderne dans les années 70, mais qui sont peut-être un peu difficiles à trouver. Il y en a un, donc une variante... Retold, donc une variante altérée, qui s'appelle Sir Gawain and the Lothly Damsel, publiée en 72, que vous trouvez sur l'Internet Archive, donc vous devez pouvoir l'emprunter, je pense, si elle n'est pas libre de droit. Et puis, The Knightly Tale of Sir Gawain, qui est toute une collection de traductions basées sur les aventures de Gawain. On vous en avait déjà aussi parlé, évoqué, je crois, la dernière fois. Tout à fait. Il me semble que c'est toujours la traduction de Hall. Je ne l'ai pas lu cette fois-ci. J'ai lu que... Ah oui, c'est ça. C'était celle que tu avais utilisée la dernière fois, oui. Que j'ai lu que l'original, mais dans mon souvenir, justement, c'était rendu, du coup, en prose et donc un peu... vous aviez une tendance à escamoter les difficultés qui a peut-être... Un peu moins pour ce texte-là. Bon, il faut vous dire aussi que c'est plus facile à lire qu'Avowing the Hunters, oui, je trouve. Le moyen anglais est plus tardif, donc du coup aussi, vous sentez quand même c'est un peu plus simple à lire. Alors, l'édition de Sands, je la trouve un peu plus difficile à utiliser. Il y a moins de... Les glosses sont un peu moins claires parfois, mais dans les deux cas, ça reste assez simple à lire, hein, pour vous. Ça reste aussi, je trouve, plus simple à lire que Chaucer, mais pas beaucoup. Chaucer, c'est quand même très clair, ça se lit bien. Si vous avez l'habitude de lire en anglais... et que ça vous fait pas peur de lire de l'anglais un peu ancien, si déjà Shakespeare vous arrivez à lire dans le texte, bon, c'est pas tout le monde, mais si vous arrivez déjà à lire un peu Shakespeare dans le texte avec quelques annotations, Chaucer, ça se lit bien en moyen anglais. D'ailleurs, c'est comme ça que moi je l'ai appris. Enfin, on lit relativement peu de traductions du moyen anglais quand on étudie le moyen anglais, en tout cas en anglais à l'université. Donc en Suisse, je sais qu'en France, il y a une tendance plus à utiliser le français dans les cours d'anglais médiéval, mais en tout cas, moi je l'ai appris à lire en anglais dans le texte. Là, c'est encore plus facile, c'est pas Sir Gawain and the Green Knight où vous devez vraiment vous accrocher, ou encore même Avowing Adventures, où c'était quand même plus ardu, ça se lit tout à fait bien. Pour le côté un peu dialectal de l'anglais, là on est plutôt côté East Midland, et puis par exemple Sir Gawain and the Green Knight, c'est plutôt West Midlands. Oui, c'est ça, c'est un truc un peu plus proche de, on est plus proche de l'anglais londonien. Alors, on n'est pas, c'est pas l'anglais l'anglais londonien Chancery de Chaucer par exemple, qui est très proche de ce qui a donné l'anglais moderne, en fait, de Shakespeare, puis après l'anglais moderne. Là, on est plutôt dans, effectivement, quelque chose de moins dialectalement plus proche, mais il y a quand même quelques particularités, mais ça reste... Enfin, il n'y a pas de difficulté majeure. Ça dépend beaucoup aussi de quel choix d'orthographe on fait. Typiquement, Sands, il utilise beaucoup de « i », en général, sauf quand c'est des... en fait, en général, il utilise des « i », sauf quand il y a un Y en anglais moderne. Donc, par exemple, dans my, il va toujours mettre my. Dans ye, il va toujours mettre ye. Mais par contre, il va utiliser des i pour tous les autres. Quand le i est utilisé dans les autres voyelles, bah, il va utiliser le i, ce qui est peut-être parfois un peu moins simple à lire parce que c'est... Je sais pas, moi, j'ai préféré lire la version de Shepherd chez Norton, mais enfin, franchement, ça c'est faire un peu oui, grand cas de petites différences, disons. Étant beaucoup moins expérimenté que toi avec le moyen anglais, je trouve que ça se lit, si vous lisez l'anglais moderne, ça se lit beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup moins de points difficiles ou mystérieux. Enfin, c'est rare qu'on se trouve à un point et on dise on sait absolument pas ce que ça veut dire. Comparé à Avowing the Hunters, en tout cas, oui, clairement. Il y a beaucoup moins de mystères. Ils sont très dialectalement très complexes. Ouais. Comme Gawain le Chevalier. C'est vraiment le continuum, en fait, de ces œuvres vraiment. Plus marqué, aussi marqué par des dialectes qui n'ont pas donné l'anglais moderne avec des termes plus régionaux, comparé à Chaucer qui est aussi... Chaucer, on a aussi un avantage particulier, c'est que Chaucer utilise beaucoup de termes français, de termes originaires du français, là un peu moins quand même. Chaucer, c'est vraiment... avoir le français et l'anglais, Chaucer, ça passe tout seul en fait, je trouve. Là, c'est un peu moins le cas, mais ça reste assez simple à lire. Alors, l'histoire commence comme souvent. Enfin, vous commencez à avoir un peu, pas la berlue, mais enfin, à avoir une espèce de répétition. On va commencer par une partie de chasse. On est de nouveau dans la forêt d'Inglewood, même si on part de... Enfin, non, oui, on est à Inglewood, donc vers... Je crois qu'on ne nous dit rien sur le château de base, de mémoire. Il n'y a pas On ne dit pas où Arthur réside. Enfin, souvent, ce sera, il est à Carlisle, il est à ceci, il est à cela. Non, non, là, on nous dit juste que, voilà, il est... on va nous raconter ce qu'il est arrivé à Arthur. Donc on est dans un style très différent de Chaucer, hein. On est vraiment de retour dans cette tradition arthurienne plus classique du voilà, live and listeneth the life of Lord Richard, the will that he would live it was none him lich. Enfin, la vie d'un homme tel qu'il n'en a eu jamais avant et depuis, vraiment le ce qui est arrivé à l'aventure d'Arthur, mais qui a eu la fleur de la chevalerie, enfin, de nouveau dans un truc très très c'est vrai, classique, plus que pas parodique, mais disons la femme de Bath avait un côté plus méta dans la façon dont elle amenait son récit. Là, on est vraiment de retour dans un terrain connu, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai qu'elle introduit aussi son aventure de façon assez canonique, In the Old Days of King Arthur. Mais Tu vois, chez la femme de Bath, c'est vraiment par contraste avec l'époque moderne. Mm-hmm. Là, c'est vraiment pour faire tout le début de la femme de Bath, c'est à la fois pour présenter le côté féerique de son aventure, mais aussi pour tirer contre la modernité, les prêtres qui ne respectent pas les femmes, les frères. C'est vraiment ce côté aussi archaïsant. Là, on est dans un côté archaïsant, mais plus pour nous dire à quelle époque héroïque. Et il y a aussi une ironie dans ce que dit la femme de base, c'est que elle nous raconte une œuvre elle nous présente une œuvre absolument. Elle le fait à distance, quand elle ne dit pas le roi Arthur qui était très honorable, elle dit le roi Arthur dont les Bretons disent qu'il avait beaucoup d'honneur. Mmh. Et après, on nous raconte, le premier truc qu'on nous raconte, c'est qu'un chevalier de cette époque-là, il viole une femme. Donc, Arthur, il allait le buter, donc c'est gagné. Voilà, donc, finalement, il y a un côté aussi un peu sarcastique dans le début de La Femme de Bath, ouais. Où on nous raconte ce côté archaïsant, c'est aussi quelque part un peu un prétexte, parce qu'en fait, l'histoire aurait pu se passer, à part le côté féerique de la femme, ce qui arrive dans l'histoire, il n'y a pas de truc particulièrement lié en fait vraiment au côté arthurien. Le côté arthurien, il arrive seulement par le côté féerique temps passé. Peut-être qu'il faut aussi voir aussi une époque. À cette époque-là, les femmes savaient se comporter, savaient avoir la souveraineté sur leur mari. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Là, c'est peut-être plutôt classique quand même. Même si, on va le voir, l'aventure d'Arthur... Arthur sort pas grandi de The Wedding of Sir Gawain. Non, ils sont pas toujours très sympas avec Arthur, mais donc c'est avec la formule consacrée « In the time of Arthur, this adventure betide ». Et là, « And of the great adventure that he himself did ». Donc, on nous dit directement qu'il va prendre part à cette aventure. Alors, c'est assez classique, hein. Une partie de chasse, Arthur se met à poursuivre une bête qui a l'air plus vive que les autres, et il se retrouve dans un bosquet à la merci d'un type qui s'appelle Grommer Sommerjour. Alors le nom est interprété Grommer comme un terme qui signifie l'homme, qu'on retrouve en fait dans Groom pour le marié, en fait, c'est ça. Et Grommer en vieux norrois, enfin c'est un terme qui a Groom, ça veut pas seulement dire le mari, en fait, il y a aussi ce côté de simplement un groom comme Spirou, un servant, c'est aussi un terme qui veut dire servant. Et puis, alors, summer, on imagine summer l'été, et puis jour, on aimerait lire le français, donc l'homme du jour d'été. Alors évidemment, on a lu la surcouche un peu mythique, celtique, d'un homme lié à un royaume féerique, lié aux saisons, de la même manière que Meloas était roi de l'été. Enfin, on a cette idée un peu, que Chrétien qui mentionne que tel roi régnait sur une île où il n'y avait pas d'hiver, pas d'été, enfin une île un peu paradisiaque où il faisait ni trop chaud ni trop froid. Donc c'est peut-être ça qu'il faut voir. En tout cas, il a l'air assez formidable dans sa stature, quoi. Il y a juste un truc sur le gramme. Certains pensent que ça vient de gramme, donc fâché. C'est ce que cite en tout cas l'édition de Thomas Hahn. Et surtout, dans le Grommer Sommerjour, il revient en fait chez Malory. On verra Malory plus tard, mais chez Malory, il est un des chevaliers qui s'allie avec Mordred et Agravain pour attaquer Lancelot. Donc il est quand même pas super sympa. Il a rejoint la Ligue du Mal de l'univers arthurien par la suite, quoi. Avec Sir Gringolin, qui est le fils de Gawain chez Chaucer. Donc il y a on le retrouvera aussi dans une romance plus tardive qui s'appelle une balade plus tardive qui s'appelle The Turk and Sir Gawain, où en fait c'est un chevalier enchanté qui devient Sir Grommer. Donc voilà, il est Il revient plus tard, même si, voilà, on ne sait pas exactement... C'est difficile de dire la relation de ces présences plus tardives avec celle de Sir Gawain and Dame Ragnall, en tout cas. Mais comme le Chevalier Vert, c'est un chevalier qui a l'air un petit peu féerique, un petit peu venir d'un autre monde, et qui va imposer une épreuve à Arthur. Alors Arthur... Il semble aussi un peu aux deux chevaliers d'Avowing et Aventures, d'ailleurs, oui. On va le voir. Hein. Et ils sont... Il dit, bon, Arthur, ça fait un moment que j'avais envie de... Voilà, je vais te tuer, je vais te régler ton compte. Puis Arthur dit, bon, ce serait pas très honorable et il y aurait pas beaucoup de gloire parce que, bah, évidemment, Arthur est en tenue de chasse. Il est habillé en... Je crois qu'on dit qu'il est habillé en vert, donc... il a pas d'armure, il a pas d'armes. Donc, il essaie de le détourner de sa vengeance et de dire non. Il essaie de le dire non, mais ça vaut pas la peine de me tuer comme ça. Et Grommer lui impose, en fait, une épreuve, dans un an, donc là on pense évidemment de nouveau au chevalier, dans un an, tu reviendras et tu devras me répondre à la question fatidique, qu'est-ce que les femmes désirent le plus ? Et il lui intime aussi le silence, il lui dit de n'en parler à personne. Voilà. Ce qui est très drôle, c'est qu'on sent qu'Arthur essaie quand même de s'échapper à plusieurs moments. Il y a plusieurs moments, il essaie de dire, bon, maintenant je vais y aller, et puis je fais, non, attends, j'ai pas fini. Il y a plusieurs moments qu'il lui dit ça. Par exemple, un moment, il lui dit... For he will in other land negole truly, but if thou grant me at a certain day, such as he shall set, and in the same array, yes, said the king, lo, here it by my hand. Je vous le jure. Attendez. But the king and here me you stood. Attendez-moi un moment. D'abord, tu vas devoir jurer, etc. Voilà. Et to show me at thee coming what women love best in field and town. Donc, ce que les femmes aiment le plus dans les champs et les villes, donc partout en fait. Et je ne sais plus exactement pourquoi, est-ce qu'il nous précise déjà là pourquoi il est fâché contre lui. Je crois qu'il oui, parce lui que dit... Oui, parce qu'il a donné ses terres à Gauvin, ah oui, exactement, de nouveau. Comme dans Winters. Comme dans Winters. Apparemment, Gauvin gère une espèce de d'empire immobilier à l'œuvre. Il y a une espèce de combine, non mais c'est... Arthur, il transfère voilà, toutes ses terres. Voilà, c'est ça. « Thou hast given me landes in certain with great wrong unto Sir Gawain. » Voilà. Et il y a tout un truc aussi sur le well et not well. Donc le roi Arthur y va. Il lui dit, au début, Arthur, le chevalier lui dit « well met » et à la fin, il dit « bon, farewell, Sir Knichte, and evil met. » Donc, mal rencontré, en fait. Je viendrai, même si... par contre, il lui promet « bon, bah, je reviendrai, même si je ne vais pas m'en échapper. » Il sonne sa corne et voilà, les chevaliers arrivent. Et ils étaient tous assez contents, mais ils le voient, il a l'air vraiment pas content, quoi. Ils se rendent compte que sa countenance, que quelque chose va pas. C'est George Michael dans ce développement, il marche comme ça, le gars. Non, il se rend compte, il dit, j'en ai marre de cette chasse is not to my liking. Et puis il retourne à Carlisle, là il nous dit effectivement voilà. Qu'ils sont à Carlisle. Donc on est de nouveau dans le Nord-Ouest, effectivement. Et puis... Go we home now to Carlisle, this hunting lick is me not well. c'est il y a vraiment un côté... il y a vraiment, c'est presque un truc de drill, en fait, je trouve, par moment, Arthur. Arthur a un côté un peu infantile, qui est un trait peut-être des romans... comme Sir Gawain et de Greenham, il disait qu'il était somewhat chilgered, donc il a quelque chose de jeune ou même d'infantile dans son attitude. Et à la cour, on se rend bien compte que quelque chose ne va pas. Que Arthur, il y a une espèce de poids, qui quelque chose qui le pèse. Et il a été perturbé. Mais il veut en parler à personne. Et donc ils envoient Sir Gawain qui va lui... Enfin, c'est Sir Gawain qui va aller lui demander. Mais dites-moi, roi, quelle chose merveilleuse vous ronchonne comme ça. Et il dit non, mais je ne dois pas le dire. On m'a fait promettre de ne pas vous le dire. Et ce qui est très drôle, c'est que je peux vraiment... His counsel must keep therefore, or else he am for sore. Donc si je vous ne dis pas, je ne vous promets pas ce que vous m'avez dit, je ne fais pas ce qu'il m'a fait promettre, je serai parjure. Et puis Gauvin lui dit non, nay, dread you not, Lord, be merry flower. I am not that man that will you dishonor, nor be even, maybe moron. Donc sous-entendu, mais. Non, mais moi je dirais à personne, donc c'est bon. C'est ça. C'est assez marrant que Arthur soit là, tu dois en parler à personne. Tu dis là, d'accord, sauf Gauvin. Non, mais enfin, c'est ça le truc, c'est que Gauvin. Il y a aussi un truc, c'est que Gauvin n'a pas l'air particulièrement. Enfin, inquiet du déshonneur dans ce roman-là. Ouais, il y a très peu de choses qui semblent l'inquiéter lui-même, en fait. Oui, c'est ça. Et puis il y a même un côté un peu. Je parlais pour la dimension infantile, mais il y a même un côté un peu bullying, justement. Genre, il y a grand-mère Summer Jour qui a piqué son goûter à Arthur et qui lui dit, t'en parles à personne. Et puis là, genre, non, je peux pas en parler parce qu'il va y avoir des représailles. Mais il y a aussi Gauvin qui a l'air d'être un peu un himbo dans celui-ci. Beaucoup plus que dans. T'as Arthur qui est beaucoup plus cérébral, puis t'as Gauvin qui est vraiment le pool boy, quoi, qui réfléchit pas trop. Il dit, non, ça va, t'inquiète. Et donc, du coup, Arthur me dit, forsooth, I was hunting in Ingleswood, et voilà, j'ai rencontré Sir Gromer Robert Sommerjour, mais notamment, il ne lui mentionne pas que c'est à cause de Gauvin qu'il est fâché. Mais voilà, il lui... C'est vrai que ça rentre pas en ligne de compte, alors que il pourrait dire « Ouais, on a merdé en te donnant la forêt de machin. » C'est pour ça que tu dois m'aider. Mais non, effectivement, il lui explique donc qu'il lui a fait jurer que dans 12 mois, il le rencontrera au même endroit, de la même manière, et qu'il lui dira ce que les femmes désirent le plus, et autrement, il perdra la vie. Et puis alors Gauvin lui dit immédiatement « Eh ben, c'est simple, séparons-nous pour chercher des indices !» Voilà, c'est ça. Et surtout, t'as oublié le plus marrant. « He shall also read another way, and inquire of every man and woman and get what I may, of every man and woman answer. » Donc, le poème est quand même pas... C'est pas de Chaucer, hein, c'est répétitif ouais. Parfois, les formules sont quand même assez... c'est pas de la grande poésie, mais par contre, c'est très drôle. « Of every man and woman's answer, and in a book I shall them read. » On va prendre les réponses de tous les hommes. Je prendrai, je les mettrai dans un livre. Et on va faire un livre, un best-seller. Et donc, ils décident de mettre ça dans un par écrit. Et donc, on nous dit, voilà, ils sont... Bientôt, ils étaient tous les deux prêts, Gauvin et le roi, et le roi est parti dans un sens, Gauvin dans l'autre, et... Il y a aussi le côté Joe Biden. And never inquired of man, woman, and other. At least three genders. Ils ont interrogé les hommes, les femmes et autres. Voilà. What a woman desire most there. Some said that they love it to be well arrayed. Donc d'être bien habillé, bien. Ouais, array, c'est plus qu'habillé, c'est bien mis, quoi. Ouais. Some said they love it to be fair prayed. Donc de les désirer. Some said they loved a lusty man, donc ils aiment un homme, disons, lusty, disons, assoiffé de sexe. That in their arms can clip them and kiss them down, donc c'est beaucoup plus... effectivement, là, on est dans un registre un peu moins charnel, même si lusty a ce sous-entendu là. Some said one, some said another, and so had Gawain getting many an answer, be that Gawain had gotten what he may, and come again be certain day. Donc il a il y a beaucoup de lignes qui quand même font du remplissage, hein. On nous répète un peu plus ou moins la même chose sur deux lignes, il a beaucoup de réponses, et donc du coup il a récolté ce qu'il peut, et pour revenir un jour certain, et ensuite on nous enseigne « Sir Gawain had gotten answers so many », donc il y a clairement ce côté strophique qui fait un peu plus sens si vous le lisez avec des strophes, là c'est, tout est compacté. « Had gotten answers so many » That had make a book great witterly. Donc il a fait un grand livre avec plein de réponses et il revient à la cour. Et là, on a le roi qui arrive avec son livre aussi et il regarde chacun les pages de l'autre. Donc il y a vraiment ce côté, effectivement, c'est quand même pas courant que les chevaliers écrivent dans des bouquins. Donc le côté vraiment travail de enquête qualitative. Bah on voit que l'écrit revient de temps en temps. Bah vous rappelez les prophéties de Merlin, Perceval qui recopie les inscriptions de Merlin, des choses comme ça. Mais là, c'est vrai que c'est assez marrant. Ils arrivent les deux avec un énorme annuaire avec écrit « femme » dessus et puis « women » avec une faute d'orthographe dessus. Et puis, c'est ce que veulent les femmes, exactement. Et c'est rigolo parce qu'il y a vraiment les différentes de points de vue entre Gauvin et le roi. « This may not fail, » said Gawain. Donc, ça ne jouera pas. Ça ne peut pas échouer. « Be God, » said the king, « he dread me sore, he cast me to seek a little more in Linglewood forest. He have but the moneth to me this set. It may happen on some got tidings to hit, the thinketh it me no best. » Donc, il n'est pas rassuré. Il se dit, il lui reste un mois. Il lui reste encore un mois. S'il a passé 6 mois déprimé et 6 mois à chercher des réponses. Mais c'est vrai que c'est assez amusant à quel point Arthur est ce personnage démuni. Où Gauvin lui dit, on va demander à des gens. Puis il dit, ah, bonne idée, allons-y. Enfin, il est un peu le personnage, finalement, c'est lui le protagoniste au début, mais il est très passif dans cette histoire. Et puis, mais là, pour le coup, c'est lui qui est actif parce qu'il dit, je pense que c'est quand même mieux d'aller encore chercher quelques réponses dans la forêt d'Inglewood. Et Gauvin dit, comme il te plaira, do as he lists, then Gawain said, whatsoever ye do, I hold me paid. It is good to be spearing. Do they you not, Lord, ye shall well spared. Donc c'est bien d'être curieux. Et c'est pas une mauvaise idée. Moi je pense qu'on a fait assez. J'en ai fait assez, mais continue. Et comme ça, peut-être qu'on trouvera encore effectivement quelques autres vérités à l'heure du besoin. Et en fait, Arthur a raison. Hein, il n'a pas la réponse. On le sait maintenant. Donc King Arthur retourne à la forêt d'Inglewood. And there he met with a lady. Et là, par contre, comparé à la femme de Bath, on nous fait un... ce qui est aussi assez logique, hein, la femme de Bath vient du point de vue d'une femme âgée, et donc elle décrit la femme âgée comme une femme âgée, mais laide, certes, mais pas monstrueuse. Et là, par contre, On est plus dans le registre, par exemple, du Perceval. Tu faisais l'allusion à la demoiselle hideuse du Perceval, et c'est clairement ça. Alors, son visage était rouge, son nez dégouline de morve. Donc, sa bouche est large, ses dents sont jaunes. On va même nous dire qu'elle a en fait des espèces de défenses de sanglier, même pas symétriques, parce qu'on en a une qui part vers le haut, une qui part vers le bas. Ses yeux sont plus grands que des balles. Sa bouche était grande ouverte. Enfin, il y avait. Ses dents dépassent de sa bouche, donc elle a les dents vraiment qui sont proéminentes. Et qui dépasse sur sa lèvre. Ses joues sont aussi larges que des hanches de femme. Et donc elle a une tête énorme, elle a une longue nuque et large, donc vraiment épaisse. Donc ses cheveux sont matés dans un tas, elle a les épaules 1 mètre de large, enfin 1 yard, donc plus ou moins 1 mètre. Ses seins pendent comme la charge d'un cheval, enfin comme des sacoches de cheval. Enfin bref, elle a une allure de taureau, de baril, de tonneau. Ouais. Voilà, c'est ça. Et pour réitérer à quel point elle est vraiment horrible, il y a aucune langue qui pourrait dire de façon certaine assez de la mocheté qu'elle a. Mmh. Puis elle est, je sais plus si on a dit, mais elle est bossue, elle a comme un lutte sur le dos. Donc oui, elle a comme une carapace de tortue. Ouais. Donc vraiment, elle est laide. Et elle est par contre sur un. She sat on a palfrey, was gay, be gone. Donc là, il y a de nouveau un lien avec la demoiselle hideuse du Perceval, je pense. Ouais. Elle est sur un palfroy orné d'or et de pierres précieuses, qui est clairement ici, l'idée c'est de nous révéler que tout n'est pas comme il n'y paraît, en fait. Il y a un contraste entre son apparence. There was an unseemly sight, so fully a creature without a measure to read so gaily, you ensure. Donc il y a un contraste effectivement absolument étrange de voir une créature si horrible chevaucher si gaiement, si bellement sur un palefroy. Qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. On le dira après, mais je crois qu'elle est plus belle quand elle est à la cour. Elle est plus belle même que elle est mieux apprêtée que même Guenièvre. Ah, c'est ça, un écho à ce que disait la femme du comte de la femme de Bath, qui est plus belle que toutes les reines et les impératrices et les donc y compris Guenièvre d'est en ouest. Et donc elle arrive vers Arthur et elle lui dit ben voilà. Je suis content de t'avoir rencontré, parle-moi, ou sinon... Et c'est contrairement à la femme du comte de la femme de Bath, qui, alors, sous-entendait qu'elle allait lui dire quelque chose d'utile, lui, elle lui dit cash, je tiens ta vie entre mes mains. Je tiens ta vie entre mes mains. Elle a la réponse, elle sait apparemment la question qu'il recherche, elle dit, tu n'as pas la réponse, moi je l'ai, et donc si tu as envie de survivre, tu feras ce que je veux, et ce qu'elle veut... C'est épouser, non pas Arthur, parce que bon, de toute façon, il est déjà marié, mais épouser Gauvin. Et Arthur, il dit, bon, déjà, ça dépend pas de moi, je peux pas le forcer à se marier. Puis il dit, non, c'est pas question de forcer, mais si tu veux la réponse, il faudra que Gauvin m'épouse. Alors, Arthur va voir Gauvin, et il lui dit, bon, Gauvin, vous aimeriez quand même me sauver la vie, parce que là, je suis quand même en péril de mort et tout, vous avez quand même envie de... Puis, Gauvin, il est un peu en mode, bah oui, je ferais n'importe quoi pour vous, mon oncle, ce qui est logique dans l'attitude de Gauvin, je braverais tous les périls pour vous, etc. Puis il dit, bah, est-ce que ce serait possible que t'épouses cette dame en échange de la réponse contre Grand-mère Sommerjour? Alors, il y a un truc juste avant, c'est rigolo, parce que quand elle lui dit ça, Et il lui dit, bon, d'accord, je vais aller demander à Gauvin, mais elle est quand même, alas, il est quand même, alas, now woe is me, that I should cause Gauvin to wed thee, for he would be loth to say nay. Il sait bien qu'il aura la peine à dire non, hein. Il sait qu'il va forcément dire oui. Et elle lui dit d'ailleurs, so fool a lady, as he are now one, donc aussi moche, aussi horrible. Une dame, et elle lui dit d'ailleurs, no force, sir king, do he be fool, choice for a make hath an owl. Donc, même une chouette peut choisir son partenaire. Et il y a de nouveau ce jeu de mots sur foule and oule, ouais. Donc sur l'oiseau ou l'horreur, enfin le foul dans le sens horrible, et l'oiseau et le owl, donc du coup l'oiseau qui est ici, pour le coup, c'est Ragnell qui est vu comme un oiseau. Et d'ailleurs, c'est là qu'elle lui dit son nom, en fait, qu'on n'avait pas de nom, ouais. comme le chevalier, ils étaient les deux anonymes. Et d'ailleurs, il y a un autre indice avant de ce qu'on lui dit, parce que au moment où il part, il lui a dit pour l'instant, il l'a appelé sarcastiquement plusieurs fois Fair Lady, ce qui est clairement vu comme un exemple de sarcasme, parce qu'elle est clairement pas belle. Il dit Now farewell, Lady. Et à la fin, il dit Yes, sir, she said, there is a birdman called an owl, and yet a lady I am. Donc, de nouveau, un indice qu'elle est. Voilà, il y a un oiseau, c'est un rappel que fool et owl, il y a un oiseau qui est appelé, que les hommes appellent une chouette, et pourtant je suis une dame. Donc il l'a dit qu'elle était un fowl, Foul dans le sens horrible, mais elle l'interprète ça, elle lui a dit qu'elle était un oiseau, mais moi je suis une dame. Donc il y a de nouveau un indice que tout n'est pas, qu'elle n'est pas ce qu'elle paraît en fait. Et là elle lui dit qu'elle s'appelle Dame Ragnell Truly, that never yet beguiled man. Et il y a un peu il y a peut-être un sous-entendu, c'est-à-dire que l'édition de scène, justement, il met des points de suspension après There is a birdman call an owl, ce qui est peut-être. Ça a peut-être un tour proverbial pour dire, d'après son interprétation, même la chouette a son jour où elle triomphe, et puis moi-même, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Peut-être qu'il y a une espèce de tour proverbial sous-entendu aussi, ici. Mais tu vois, il y a clairement ce yet a lady I am. Ça sous-entend qu'en fait, elle est une dame, sous-entendu une belle dame, une vraie dame, et pas simplement un monstre horrible, voilà. Et donc effectivement il retourne à Camelot, à Carlisle, pardon, pas à Camelot, avec le cœur lourd, et là il rencontre d'abord Sir Gawain, qui lui dit voilà, et évidemment Arthur va immédiatement dans le non c'est bon, je suis mort, je suis aussi bien que mort, et how have you sped never so ill, donc comment avez-vous fait, j'ai jamais fait aussi mal, il n'y a rien à vous dire, je dois être mort, il faut que je meure. Et Gawain a dit évidemment, mais non, je préfère être mort moi-même. Et du coup, là, il lui dit, Gawain, he met today with the foolish lady that ever he saw certainly. Donc, j'ai rencontré la dame la plus moche que j'ai jamais vue, de sûr. She said to me, my life she would save, but first she will be to whose bond have. Wherefore I am, who be gone, thus in my heart he'll make my moan. Donc voilà, il fait sa plainte, elle lui veut te marier, et Gawain dit, is this all then, said Gawain? C'est tout. C'est tout. He shall weather and weather again, though she were a fend. Donc même si elle était un diable, though she were as full et as belle sa boob. Donc elle était aussi moche que Belzebub. Her shall he wed, be the road, or else were he not your friend, for ye are me king with honor and have worshipped me in many a story. Donc il lui a donné cause, en fait, de voilà, ça il le fera volontiers, il marierait même Belzebub, même un diable. C'est son ami, c'est son roi. Surtout pour sauver ta vie, c'est mon rôle en fait. Sinon, je serais un homme faux et un couard. Je suis vraiment ce que je suis vraiment pas en fait. Il y a aussi une logique qu'on n'a peut-être pas dit, mais que c'est logique qu'elle commence par demander à Arthur quelque part, puisque déjà, bon, c'est l'oncle de Gawain, et puis c'est attendu qu'à la cour, ils bénissent les mariages ou ils choisissent des mariés appropriés pour les gens. Donc le fait de lui demander, ça rejoint aussi son rôle du jeune chevalier qui vient à la cour et qui demande... Mais il y a aussi, ça permet aussi de... Ben, vu que Gawain, dans ce roman, est vraiment... Soit c'est qu'il est simple, soit qu'il est vraiment juste purement héroïque, mais ça, si elle lui demandait directement pour sauver Arthur, il n'y aurait pas de drame. Ici, là, il y a un peu la tension narrative de elle l'a demandé à Arthur sans que Gawain la voie à elle, et du coup, Arthur, il est complètement déprimé parce que il peut sauver sa vie, mais ça demande un sacrifice de la part de Gawain. Puis aussi, Gawain, si c'est, on ne dit pas que c'est son neveu ici, c'est pas toujours quelque chose qui est, même si c'est implicite dans les récits, c'est pas toujours explicite. Et là, on ne parle pas, vous êtes mon oncle, mon parent, il dit juste, vous êtes mon ami. Mais il y a effectivement ce côté, Gawain est potentiellement l'héritier d'Arthur, s'il doit se marier avec une dame aussi horrible, c'est pas très sympa pour lui. Voilà, mais ensuite, il lui raconte en fait le détail. Et voilà, il dit non, mais c'est bon, on va se marier, je l'épouserai à l'heure que vous direz, ne vous inquiétez pas, même si elle était l'être le plus terrible, je ne ferai rien d'autre que pour votre amour, en fait, voilà. Et aussi, ça permet aussi de créer un suspense pour quand Gawain rencontre Ragnell, parce qu'ensuite, Arthur dit, voilà, il reste que quelques jours pour l'échéance, il chemine avec Gawain, puis lui dit, non, je dois aller à l'ouest... vous ne pouvez pas me suivre, vous ne pouvez pas aller plus loin, et ensuite il va voir Ragnell pour avoir la réponse, mais Gawain ne l'accompagne pas. Il n'y a pas de bon, on va vous faire rencontrer avant, il y a vraiment. C'est presque à l'hôtel qu'il va la découvrir, quoi. Et effectivement, il lui dit voilà, Gawain a accepté de vous marier, maintenant dites-moi vite ce que vous devez me dire, je ne peux pas être en retard. Et Sir, quod dame Ragnell, now shall do know what women desire in most of high and low. From this he will not vary. Some men say we desire to be fair, also we desire to have repair. Donc repair, c'est resort, traduit comme resort, c'est repair, c'est des relations en fait, c'est des relations sexuelles. Of diverse strange men, and we love to have lust in bed, and often we desire to wed. Thus ye men not ken, yet we desire another manner thing, to be holden not old, but fresh and young, with flattering and glossing. Donc elle fait le résumé en fait de tout ce que les. De nouveau, un truc qui est tout à fait différent de chez Chaucer, où Chaucer, lui, il passe tout ça en fait. Elle lui fait le raisonnement philosophique un peu comme une blague à la fin, mais là, c'est vraiment un résumé de tout ce qu'il devrait dire. But there is one thing is alle our fantasy, and that no way shall ye know. We desire of men above all manner thing to have the sovereignty without the lessing of all both high and low. Donc, on doit avoir la souveraineté. Alors, elle dit bien, voilà, effectivement, on a, pour beaucoup, on doit avoir des relations avec des hommes, avec beaucoup d'hommes différents. Nous voulons des hommes qui sont bons au lit. Nous voulons qu'on nous flatte, ce qui est très sympathique, effectivement, je ne vous mentirai pas. Mais la chose qui est notre désir le plus suprême et que tu connais maintenant, c'est que nous voulons la souveraineté. Mais sur tous les hommes, high and low, donc sous-entendu. Voilà, qu'on soit fermière ou qu'on soit princesse. For where we have a sovereignty, alle is uris, thou a knichte bin ever so feris, and ever the mastery win of the most manliest is our desire. Et spécifiquement, voilà, elle veut avoir la souveraineté et la souveraineté sur des hommes puissants, virils. Such is our craft and gin. C'est notre art et notre compétence. Donc, voilà. Therefore, when Sir King on the way and tell that knichte as he desire that it is what as we desire and most, he will be wroth and unsucht and curse her fast that he the tote for his labour is lost. Il me maudira, car son travail est en vain. Voilà. Et voilà, maintenant, il décide il part pour aller à travers les marais pour retrouver Sir Gromer. Et Sir Gromer lui dit, come off, Sir King, now let's see of thine answer what it shall be for him, for I am ready gratted. Et voilà. Et là, c'est c'est un peu surprenant. On s'attendrait à ce qu'il dise immédiatement voilà la réponse, comme c'était un peu le cas avec le chevalier dans le conte de la femme de Bath. Mais non, d'abord, il sort les livres. En fait, il sort les livres qu'il a eu avec Gauvin. The King pulled out books at Wayne. Il sort les deux livres qu'il a eu. Sir, there is me answer. He dare saying for some will help at need. Et en fait, Sir Gromer looked at them every John. Donc, il lit chaque page. Il lit tous les livres. Trip. Nay, nay, Sir King, thou art but a dead man, therefore now shall thou bleed. Donc il lui a fait on peut comprendre qu'il lui a fait lire les bouquins, au cas où, si ça se trouve, la réponse de la femme, de Dame Ragnell n'était pas correcte, et en plus, comme ça, s'il lisait une de ses réponses, c'est pas grâce à Dame Ragnell qu'il a eu la bonne réponse, donc il a pas besoin de lui marier Gauvin. Donc ouais, vraiment, le côté comique de sortir les bouquins pour lui montrer. Et c'est lui qui les regarde comme un examen, non. Et donc Arthur dit « Abide, Sir Gromer, Sir King Arthur, I have one answer shall make all sure. Let's see, then said Sir Gromer, or else, O God, me help, as I did say, thy death thou shalt have with large pay, tell thee no and sure. » Donc vraiment, il renforce le propos. Et donc le roi va dire « What women desire most speciale, both free and bond, he say no more, but above all thing, women desire sovereignty, for that is their licking, and that is their most desire, to have the rule of the manliest men, and there as they well, thus they me did ken, to rule thee, Gromer, sire. Et ensuite, il maudit Sir Gromer, maudit Arthur, et maudit surtout celle qui lui a dit ça, parce qu'il sait que c'était my sister Dame Ragnell. Donc en fait, c'est la sœur de Sir Gromer. On a un peu ce côté un peu surnaturel des deux, en fait. Le duo surnaturel. Alors, on n'est pas entièrement sûr de pourquoi ils sont en conflit. C'est pas très, très clair. Mais on peut comprendre que, voilà, c'est that old Scot, cette vieille troll, en gros, cette vieille. Ou alors cette vieille vache, ou cette vieille. J'ai vu une traduction qui disait, trollop traduit. Sans, ce qui veut dire traîner, enfin plus ou moins quelque chose comme ça. Voilà, mais il est très fâché, il est obligé de lui laisser la vie sauve. Ouais, on remarque que, en fait, Grand-mère Saint-Mergeour n'est pas tout à fait à cheval sur la procédure autant que le serait le Chevalier Vert, par exemple. Parce que déjà, il laisse Arthur lui donner 50 000 réponses par écrit, et ensuite donner la vraie réponse, et en plus. Dans l'absolu, il n'a pas respecté ses consignes parce qu'il a parlé de ce qui lui était arrivé à Gauvin. Et donc, à Gauvin, à Dame Ragnell aussi, Adam Ragnell. Même si elle savait. Donc on pourrait imaginer qu'il pourrait dire « Ah, non, tu as enfreint le commandement, tu meurs immédiatement. » Voilà. Mais voilà, il est obligé de lui... De le laisser partir, en fait. Et puis, il décide de se... Il lui promet qu'il sera son ennemi, mais Arthur dit non, tu me retrouveras jamais dans cette situation-là. En gros, voilà, je l'ai échappé, Ouais, et puis surtout, il a l'air de lui dire, tu me retrouveras pas dans une situation où je suis démuni et où tu pourras extraire un serment de ma part. Et à la fin, ils se disent, bon, now have a good day. Farewell. Voilà, et il s'en retourne, et il rencontre Dame Ragnell de nouveau. Et elle lui explique, voilà, tu as bien fait, maintenant, j'ai sauvé ta vie, et maintenant, Arthur, Gauvin doit me marier, il est vraiment un bon chevalier, et donc Arthur, bah, il est un peu obligé de dire, voilà, ouais, effectivement, tu vas vraiment, je te promets, mais il s'apprête à lui suggérer, quand même, « So you will be ruled by my counsel, your will then shall you have. » Et en fait, on comprend qu'il va lui suggérer de se marier discrètement, d'organiser un mariage pas en public, pour pas que tout le monde sache que Gauvin est marié à une dame horrible. Et elle dit « Non. Nay, sir king, no, only not so. Openly you will be wedded or depart the fro. » Donc c'est plus ou moins sous-entendu qu'il allait suggérer ça et qu'elle a compris et que... Et ça va être suggéré de nouveau par Guenièvre juste après, c'est-à-dire qu'ils arrivent à la cour, elle dit « Apportez-moi Gauvin, qu'on le regarde. » Et puis, tout le monde, en fait, Dame Guenièvre, Dame Gaynor dit « Alas !» C'est rigolo, parce que lui, il n'a aucune réaction. Hein. Ouais. Lui, voilà, les gens tout autour sont vraiment très déçus, enfin, trouvent ça horrible. Gauvin arrive et je suis prêt à faire ce que je vous ai promis. En public, il est « Non, sire, I am ready of that you wished all the four wazes to fulfill. » Donc, je vous promets de faire ce que je vous ai promis, tous les accords qu'on nous demande. Et d'ailleurs, Dame Ragnell lui dit « For this sake, he would wear a fair woman for the art of so good will. » Donc, pour toi, j'aimerais être une belle femme, parce que tu es clairement quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Voilà, ouais. Exactement. Mais alors, Gaynor, donc Guenièvre, se lamente et supplie qu'elle permette qu'il soit marié. Guenièvre dit « Alas, toutes les femmes pleurent pour Sir Gauvin. Alas, then said both king and knight. » Donc, à la fois le roi et les chevaliers se lamentent. Alors, on ne sait pas si ce knight, il inclut Gauvin, mais apparemment pas, parce que ça cadre pas, mais il pourrait. Et tout le monde se dit « Quel malheur qu'il épouse une femme aussi moche et horrible, elle avait deux dents de chaque côté qui ressemblaient à des défenses de sanglier, de la taille d'une longueur de main, et une qui montait et une qui descend. » Enfin, on redécrit... De nouveau, on a ce côté beaucoup plus, effectivement, comme dans Avowing et dans Aventures, surtout dans Aventures d'ailleurs, le côté vraiment esthétique de cette... enfin, du coup, anti-esthétique, mais l'aspect visuel quoi, est très très important. Et à la fin, voilà, elle pleure. Et à la fin, donc la reine finit par aller prier aussi Dame Ragnell, effectivement. Parce que le jour du mariage s'approche. Voilà, de le faire aussi de façon as privately as we may. Se marier le matin tôt, à l'aube, voilà. Aussi. Et donc, « Nay, she said, be even king, that will he never for nothing. For which that he can say, he will be wedded, alle openly, for with the king such covenant may die. » Donc, et vraiment, je le ferai, on le fera à la grande messe, on aura un dîner dans la grande salle, et on le fera, tout le monde sera là. Ouais. Puis Guenièvre dit, ouais, d'accord, mais ce serait peut-être plus honorable si t'es plus discret. Puis il refuse, évidemment, et elle dit non. Il faut qu'on fasse ça comme ça. Et donc elle est habillée de façon encore plus. More fresh, j'aime beaucoup le fait qu'on dise plus fresh. C'est très on est cool, comme en anglais moderne. More fresh than Dame Gaynor, her arguments was worth 3000 marks, 3000 marks, donc c'est quand même une grosse somme, of good red noble Stephen Stark, donc de 3000 bonnes pièces d'or. Elle était tellement bien habillée. Et par contre, de nouveau, on renforce en fait le contraste entre son atour et l'horreur qu'elle représente. En fait, elle est vraiment. On n'a jamais vu une truie plus laide que ça. Enfin, vraiment, il insiste. Elle est très animalisée. Exactement. Hein. Et d'ailleurs, ça continue avec le repas de mariage parce que voilà, elle est. Non seulement elle est moche, mais elle est pas très courtoise. elle est vraiment. Elle a des mauvaises manières et. Quand on lui amène à manger, elle mange autant que 6 hommes. Elle mange tout ce qui lui passe devant, elle mange pour 6. Elle a des ongles de 3 pouces, elle déchire sa viande, enfin sa nourriture dans tous les sens. Elle mange comme Denethor. Voilà, c'est ça, elle mange 3 chapons et 3 curlews, donc c'est 3 autres oiseaux. Elle mange des tourtes entières, enfin tout le monde dit que... Ils n'ont jamais vu une demoiselle aussi vile et horrible et tellement... Enfin, vraiment, le côté animal, quoi. Elle déchire ça, elle mâche ses os. Enfin, vraiment, c'est une horreur, quoi. Et on nous dit... On s'apprête à nous... Et là, je trouve ça, c'est très rigolo. On apprête à continuer le banquet par par le divertissement. Donc, il y aura les... There were minstrels of diverse countries. Et après, il y a une page manquante. Et moi, je trouve que l'effet, ça fait vraiment... Ah non, après, c'était un interlude raciste. Donc, le minstrel... déjà, minstrel, mais aussi le fait qu'il y a de diverses contrées. Donc, on s'attend à voir, comme dans un film Disney du 20e siècle, tu sais, t'auras la séquence où t'as... Ouh là là, ça, c'est un peu... Ça a pas bien vieilli. Ça a pas bien vieilli. Donc, il y a vraiment la séquence de Gauvin en blackface qui anime son propre mariage. Voilà, exactement. Ça a pas super bien. J'ai même pas fait le lien avec Mad Men, mais effectivement, c'est vraiment Roger Sterling. Il a aussi un côté un peu Roger Sterling là-dedans, Gauvin. Beaucoup plus. T'as vraiment le côté entre. Il prend les choses comme elles viennent. Voilà. On peut se demander si la page manquante, c'est pas aussi un peu de censure. Est-ce qu'il y avait peut-être quelque chose de plus grivois encore qui a été un peu coupé? Mais c'est vrai que là, on est avant qu'il soit dans. Peut-être qu'il y avait une espèce de charivari ou de danse nocturne. Enfin, pour les amener à leur chambre avec des allusions ou des chansons, justement. On ne sait pas trop ce qui manque, mais on les retrouve avec la page suivante avec « Ah, Sir Gawain, since he have you wed, show me your courtesy in bed. » Donc, on est déjà au lit. Et maintenant, voilà, tu ne peux pas me le nier, tu me dois... il y a une dette conjugale. Tu dois... Exactement, le devoir conjugal. Tu dois performer. Elle dit... au moins en honneur d'Arthur, enfin, for Arthur's sake, pour l'honneur d'Arthur, embrassez-moi au moins, je prie que vous fassiez ça sur ma demande. Et Gauvin dit, je ferai même plus que ça. Je ferai même plus que vous embrasser, il va jusqu'au bout. Et en fait, il est vraiment pas réticent, en fait, hein, jusqu'à. Il s'apprête à l'embrasser, et il se retourne vers elle. On peut comprendre que jusque-là, il avait un peu refusé d'aller plus près, un peu comme le chevalier qui se tournait dans tous les sens. C'est peut-être un sous-entendu ou qu'il y a un rideau. Là, il se retourne ou qu'il ne la regardait pas. Là, il se retourne vers elle. Et là, c'est la différence avec le côté... il la voit directement belle, en fait. Mm-hmm. He saw her the fairest creature that ever he saw without a measure. Parce qu'avant, dans La Femme de Bath, le comte, elle lui fait faire le choix avant de se révéler belle. Donc, il y a aussi un côté un peu... dans le conte de La Femme de Bath, l'un ou l'autre, parce que de toute façon, il ne l'a pas vue belle. Mm-hmm. Là... il la voit et he saw her the fairest creature that ever he saw without measure. Donc il la voit la plus belle la créature qu'il ait jamais vue. Et là elle lui dit what is your will? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis j'ai la réponse de Jésus. Ah Jésus, what are you? Qu'est-ce que vous êtes? Et sir, I am your wife securely. Why are you so unkind? Pourquoi êtes-vous aussi méchant maintenant? Sous-entendu, il était presque plus prêt à l'embrasser quand elle était moche. Là, il est là, il se passe quelque chose de très bizarre, inattendu. Et voilà, et Gauvin lui explique je suis à blâmer, certes, merci s'il vous plaît, mais avant vous étiez la personne la plus horrible que j'ai jamais vue, et je suis content, madame, de vous avoir ainsi. Et donc il l'embrasse et il commence à l'embrasser, et elle lui dit Sir, she said, tous shall ye me have, chase of the one so God me save, my beauty will not hold, whether ye will have me fair or nichtes. And as fulle on days to all men sichtes, or else to have me fair on days and on nichtes of the fullest wife, the one ye must needs have, chase the one or the other. Donc en gros, elle lui propose soit qu'elle soit ainsi, sa beauté ne tient pas. Donc c'est un peu un côté Mélusine, en fait. C'est le parallèle qu'on pourrait faire entre, alors là, en l'occurrence, il la voit lui, mais elle peut pas être belle tout le temps. Soit elle est belle la nuit, et donc elle lui propose de choisir, vous m'auriez ainsi, je serais belle la nuit comme ça, mais pour les autres hommes, à la vue des autres hommes, je serais laide. Donc sous-entendu, au lit, ce sera parfait, mais de jour, tout le monde pense que vous aurez une femme horrible. C'est la question, est-ce qu'il préfère une femme belle dans l'intimité ou bien de s'afficher avec une femme belle dans la société, hein, voilà, en gros, c'est ça. Sociale ou privée du mariage. Exactement. Est-ce que vous préférez avoir une femme que tout le monde pense que vous êtes très chanceux, elle est une femme très belle, mais par contre, après, vous devrez faire le devoir conjugal avec la version moche et horrible, ou alors vous aurez le plaisir au lit, mais par contre, les gens penseront que je suis laide et vous seront attristés pour ça. Alors à nouveau, comme tu disais, c'est c'est pas le texte le plus économique, donc Gauvin ne sait pas trop quoi choisir. Alors il a à peu près retenu qu'effectivement il va de nouveau lui laisser le choix, il va dire bah, c'est à vous de choisir, mais il commence par dire ah le choix est dur parce que ah la nuit c'est bien mais le jour c'est bien, ah c'est compliqué. Basiquement il répète pendant 10 lignes, c'est un peu un dilemme quand même. C'est la différence en fait, le conte de la femme de Bath est long, mais il est long à cause des exemples là. Le conte narrativement en lui-même c'est très très efficace, là beaucoup moins pour le coup. Et donc il résume effectivement le problème, mais à la fin il finit par lui dire The choice he put in your fist, he win as he wallet, he put it in your hand. Donc de nouveau il répète, hein, je le mets dans votre poing, comme vous voulez, je le mets dans votre main. Lose me when you list, for I am bond, he put the choice in you. Donc lose me dans le sens relâche-moi, donc accorde-moi, libère-moi sur ce que tu veux, j'en fais le vœu. Et la dame dit « Gramercy, Cortes nicht. Ovale erlich nicht, blessed mot to be, for now I am worshipped. » Donc maintenant, je suis honoré. Je suis la plus... J'ai été béni d'obtenir le plus... le meilleur des chevaliers erlich nicht, donc des chevaliers sur Terre, ou sous-entendu terrestre, si elle est un peu surnaturelle. Je suis honoré. « Thou shall have me both fair both day and night. And where will he live as fear and bright, therefore be not grieved, for he was chapen by nigramancy, with my stepdame, God on have mercy, and be enchantment, and should have been otherwise understood, even till the best of England has wedded me veramente. » Donc en fait, elle était maudite par sa belle-mère, donc peut-être la mère de grand-mère, si on comprend qu'ils sont en désaccord. Et donc, en fait, elle était par de la nécromancie, la nigramancie. Elle devait être ainsi jusqu'à être mariée authentiquement par le meilleur chevalier d'Angleterre. Et qui lui donne la souveraineté. And also, he should give me the sovereignty. Ah oui, voilà. His body and goods. Et donc, c'est un peu... Oui, Gauvin a brisé la malédiction en retenant la leçon. Mais en fait, il n'a pas tant retenu la leçon que c'est juste que Gauvin, il affronte tout ce qui vient et qu'il ne veut pas avoir à faire le choix. Puis il dit oh, allez-y, choisissez. Oui, c'est un peu le côté satirique du truc. Et c'est aussi pour ça que, contrairement au conte de la femme de Bath, où le narrateur a clairement. Bah, la narratrice, la femme de Bath, pense clairement que c'est le meilleur choix. Le narrateur, bon, Chaucer, c'est un peu difficile de distinguer le propos derrière. Là, par contre, on peut penser que. Le truc est un peu une vaste blague parce que déjà, bah, comme tu le dis, c'est pas elle voulait pas la souveraineté elle-même en fait. Finalement, elle demandait pas ça. Ce qu'elle voulait, c'est juste être libérée et il fallait qu'elle marie le meilleur chevalier d'Angleterre et qu'il lui donne la souveraineté. Mais c'est ce que les femmes veulent, mais c'est pas quelque chose qui est présenté comme particulièrement cher à son cœur. C'est ce côté malédiction qui est un peu rend le truc un peu ambivalent. Et donc, on nous répète, voilà, il nous a, ils sont, on est tous très contents. Nous pouvons être très contents. Tout le monde est très joyeux, tout le monde a remercié le sauveur, et on nous explique en fait qu'ils vont s'amuser toute la nuit, et le matin, Gauvin décide, on va pas se lever, on va rester couché et dormir jusqu'à prime, donc assez tard, et on va laisser jusqu'à ce que le roi, donc prime, c'est quoi, je crois que c'est midi, plus ou moins. Ce serait entre 6 et 9 heures apparemment, mais dans ce sens-là, ce serait plutôt faire la grasse matinée, fin de matinée probablement. Donc on va dormir, et parce qu'on va laisser le roi nous appeler à manger. Et donc ils attendent parce que thus it passed forth till midday, donc jusqu'à midi. Et ensuite. Et puis la cour s'inquiète quand même un peu pour Gauvin, puis ils sont là, bon, c'est quand même une femme assez monstrueuse, donc ils se disent bah, est-ce qu'elle l'a mangé ou quoi ? On va peut-être voir si Gauvin est toujours vivant, quoi. Allons voir si Gauvin est toujours vivant, effectivement. Et ils viennent vers la chambre et ils lui demandent Arise, said the king to Sir Gawain, who is sleeping too so long in bed ? Marry, quod Gawain, Sir King, secretly, you would be glad, and you would let me be, for I am full well at ease. Abide, that ye shall see the door undone, it true that you will say, I am well gone. Donc il va lui dire, je suis reluctant à me lever, vous allez rentrer, venez, vous allez voir que tout va bien. Mais par contre, se lève, il prend par sa main la dame, et il arrive à la porte qu'il ouvre. Il ouvre et elle se tient dans son smock, donc ses sous-vêtements en fait, hein, c'est une robe légère à côté du feu, et ses cheveux étaient jusqu'à ses genoux roux, rouges comme du vin doré, donc elle a les cheveux roux. Comme des fils dorés. Voilà, comme des. As red as gold wire, c'est aussi rouge que des fils dorés, c'est assez rigolo comme parallèle. Lo, this is me, repair, c'est mon plaisir, c'est avec qui j'ai dormi. C'est ma femme. Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein? This is my wife, voilà. Pregnant. Qui vous a sauvé la vie? Qui vous a sauvé la vie? C'est vrai qu'il y a un côté un peu lénule dans ses répliques. Voilà. Et il lui a expliqué, il leur explique comment elle a changé de forme. Et voilà. Ils sont tous contents, en fait. Il lui explique pourquoi elle était mal formée. Enfin, elle lui explique la malédiction. Je suis très content. J'ai eu peur, dit la reine, de vous avoir, qu'on vous ait fait du mal en vous forçant à vous marier. Tout le monde est très content. Il y a des jeux, on fait la fête. Et tous les hommes se disent, ah, elle est vraiment très belle. Et enfin, voilà, il raconte à tout le monde ensuite. En fait, ensuite, il explique à la reine, le roi, ce qui lui est arrivé, en fait, parce qu'il ne leur a pas expliqué hein, pourquoi il lui forçait à la marier. Donc, il y a ce côté un peu... ouais. Ah, voilà pourquoi. Et donc, il explique l'affaire avec Sir Grommer Sommerjour. Et voilà pourquoi la dame Ragnell l'a aimé pour l'amour de Sir Gauvin. Et ensuite, Gauvin raconte voilà, l'histoire de la belle-mère. Et elle raconte au roi comment Gauvin lui donna la souveraineté. Et le roi, en fait, et elle dit, merci pour sa courtoisie, il m'a sauvé du hasard et de la vilainie, en fait. Mmh. Et voilà. Et ensuite, elle fait la promesse, comme, en fait, la femme de Bath, qui lui dit, vous aurez les deux, je serai obéissante et belle. Elle lui dit, voilà, the promise you know here I make, will this that I live, it shall be obeissant, to God above, it shall it warrant, and never with you to debate. Donc, elle promet d'être une femme fidèle qui ne se battra pas avec son mari. Donc, il y a aussi le côté un peu ironique. Hein, ce que les femmes veulent le plus, c'est la souveraineté, mais une femme bonne et souveraine va accepter de céder à la souveraineté de son mari, quand même. Donc, le fond anti-féministe revient un peu derrière, quand même. Et une fin qui est un peu aigre-douce, parce que c'est pas ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux, mais pas si longtemps, et ils ont un enfant, avec elle, Gauvin engendre Gingolin, donc Guinglin, son fils, de l'histoire du bel inconnu, généralement, et qui deviendra un grand chevalier après eux. Effectivement, il lui, mais quand même, on lui dit qu'il lui est fidèle toute sa vie, qu'il ne se couche comme un couard à ses côtés. Donc, elle lui a beau lui avoir redonné quelque part sa souveraineté, il est aussi lui un mari fidèle et attentif c'est un noble. White guy, là, voilà, exactement. As a coward, he lay by her both day and night. Il y a cette idée que aussi peut-être, ce qui est généralement pas bien vu dans les romans arthuriens, que justement, il délaisse un peu la chevalerie. Mais pas pour longtemps, parce que elle ne vécu avec Gauvin que 5 ans, et Gauvin en porta le deuil toute sa vie, et il n'a jamais aimé une femme plus qu'elle. Et après, on revient du coup dans le... On fait un peu ce dézoom qu'on a vu aussi dans les romans qu'on étudiait la dernière fois, où on a le dézoom, voilà, comment va se terminer l'aventure du roi Arthur, et le mariage de Gauvin. Gawain was wedded oft in his day, but so well he never loved woman always. Donc on sous-entend qu'il a s'est remarié après, mais qu'il n'a jamais aimé de femme aussi autant qu'il a aimé Ragnell. Et après, this adventure befell in Ingleswood, as good Arthur on hunting yod. Donc on revient, effectivement, ce côté dézoom. Et on revient même jusqu'à l'histoire de voilà, Dieu né à Bethléem, et Jésus né d'une vierge, voilà. Ne laissez pas leurs âmes reposer en enfer. Mais surtout parce que l'auteur implore Dieu, mais pour lui-même, parce que là il y a une conclusion qui participe peut-être au ton aigre-doux, c'est que l'auteur révèle qu'il est en prison. He's beset with gaolers many. That keep him full severely with wiles wrong and vast. Et il implore la pitié de Dieu là-dessus. Alors, on ne sait pas exactement, je crois qu'il y a eu des théories sur qui était l'auteur de ce texte, mais ce ne serait pas le premier texte arthurien qui a été rédigé en captivité. Il y a évidemment la compilation de Rusticien de Pise, qui a aussi compilé les aventures de Marco Polo et qui faisait partie de ces scribes pisans ou autres qui étaient retenus un peu au nord de l'Italie. Et puis, on se disait, tiens, fais-moi rire, clown, rédige-moi une œuvre en français. Donc on ne sait pas si c'est une captivité. Et puis Mallory aussi, Thomas Mallory, il a passé une bonne partie des années où il a écrit, je crois, une partie de. Enfin, il est censé avoir écrit une partie de son œuvre en prison. En captivité. Donc oui, il y a aussi ce côté-là là-dedans. Juste un truc avant que j'oublie, c'est aussi quand il est bon avec Sir Grommer à la fin, c'est quand même Ragnell qui demande à Arthur en fait d'être gentil avec Grommer. Donc la relation entre les deux est un peu complexe parce que lui il a l'air assez fâché contre elle. C'est sa belle-mère qui l'a transformée. Est-ce que c'est la mère de Grommer ou est-ce que c'est la belle-mère qui était aussi avec Grommer? Enfin, c'est compliqué à savoir exactement, mais elle en tout cas elle est plutôt positive à la fin. Elle les réconcilie, donc il y a aussi ce côté de réconciliation de retour à l'ordre, mais temporaire, quoi. Il y a vraiment ce côté, ces 5 ans. Est-ce que c'est un côté un peu satirique, l'amour dure 5 ans, enfin, ça peut durer que... Ouais. C'est parce que ça n'a pas duré longtemps que, finalement... Je pense que c'est pour rééquilibrer le personnage de Gauvin, en le sens, bon, bah, il est resté 5 ans jour et nuit avec sa femme, mais bon, après, il a repris la chevalerie, donc il y a déjà cette idée-là. Peut-être. Et aussi, peut-être, il y a le côté féerique de cette idée que, bah, en se mariant avec un mortel, si on la voit comme une fée, un côté peut-être... Ah oui, peut-être le fait qu'elle ait usé en fait toute son énergie féerique pour être belle tout le temps. Mais d'un côté, elle côté Arwen, quoi. Elle choisit la mortalité. Mais d'un côté, vu qu'elle était, bon, après, on sait pas si c'est effectivement sa belle-mère qui a fait œuvre de nécromancie, si elles sont humaines toutes les deux à la base. Hein. Effectivement, on peut le dire ça comme ça, mais on peut aussi dire qu'elles sont effectivement d'une sorte de peuple féerique qui a une existence un peu, disons, différente. Bah, effectivement, comme tu dis, moi, ma magie peut pas durer. Elle disait que ma magie peut pas durer. Je peux pas être à la fois belle la nuit et le jour. Sous-entendu, à la fin, le fait qu'elle accepte d'être les deux, elle dépense quelque part son énergie ou sa magie là-dedans. C'est possible aussi. Mais en tout cas, dans tous les... C'est une fin un peu ambiguë quand même, hein, parce que bah, on a de nouveau ce côté, comme dans Dame Ragnell, dans le conte de la femme de Bath, avec le fait que les deux soient finalement soumises à leur mari à la fin, malgré le fait d'avoir revendiqué la souveraineté et de l'avoir obtenu à un moment clé. Mais d'un autre côté, voilà, c'est comme tu dis, le fait que... Je sais pas, je trouve le fait d'enchaîner sur... ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, et ils eurent un enfant, et après 5 ans, elle est morte. Je trouve qu'il y a un côté un peu quand même... Ben, on dit beaucoup parodique, mais là il y a un côté aussi peut-être un peu comme on l'a vu avec ailleurs dans le récit avec Arthur qui prend ses notes, la couardise d'Arthur, le côté un peu himbo bébête de Gauvin. Ouais, Arthur qui revient vers Gauvin en tournant les pouces d'un air embarrassé en disant Gauvin tu peux me sauver la vie s'il te plaît. Il y a peut-être un côté effectivement disons ironique là-dedans de faire une variante un peu Ou peut-être simplement il y a une question de continuité parce que vous aurez remarqué que Gauvin, on a déjà parlé des sœurs de Gauvin qui sont un réservoir inépuisable qui n'arrête pas de se multiplier parce qu'il faut trouver un personnage important de femme importante à marier à quelqu'un, bon, on invente une nouvelle sœur de Gauvin, les sœurs d'Arthur évidemment aussi, mais là, on a peut-être aussi les copines. Gauvin, il a été marié, justement, il dit qu'il a été marié plein de fois. Bah, c'est vrai, en fait. Peut-être qu'il a l'habitude de lire des romans arthuriens, puis il voit que, bah, en fait, la femme de Gauvin, elle s'appelle comme ça. Il y a plein d'aventures où il finit par se marier à une dame, ou sans compter ses conquêtes hors mariage. Peut-être que c'est aussi simplement pratique que ça dure que 5 ans, parce que ça passe mieux dans la continuité, c'est pas. Oui, c'est possible aussi. Maintenant, il y a quand même un fond assez à cette histoire qui est assez. Je pense pas que ce soit innocent complètement le fait que ce soit cette histoire de souveraineté féminine et c'est quelque chose d'assez inhabituel en fait comme conclusion parce que généralement les relations maritales dans les cours arthuriens, il y a un peu le cas d'Eric et Enid en fait qui est un peu presque le cas un peu de cas où la relation est motivée par différentes ressorts. Il y a le côté vraiment c'est justement la relation qui prend trop de place et puis il doit remettre sa femme en place et puis aller sur les routes de l'aventure et lui parler mal. Mais du coup, c'est un des rares exemples où on a vraiment la relation, le fonctionnement émotionnel des deux qui est vraiment... Parce qu'en général, ben voilà, des mariages ont lieu, puis à part le côté de Guenièvre, mais c'est vraiment assez peu... Je veux dire, la relation entre Guenièvre et Lancelot, généralement... elle n'est pas explicitée... c'est pas pourtant qu'elle l'explicite... la relation entre Guenièvre et Arthur, en fait. Guenièvre et Lancelot sont... Il y a cette espèce d'amour courtois, mais il n'est pas vu comme évident. C'est vrai qu'on a peu de scènes. Typiquement, la scène de la nuit de noces, il y en a relativement peu. On voit plus de scènes dans les romans en prose, de ces... genre Gauvin qui va fricoter avec la fille d'un roi, et c'est un peu... oui, c'est généralement hors mariage. Quand il y a des relations, des amourettes, elles sont hors mariage. Puis la nuit de noces, c'est la fin du roman. Tout le monde est content, on fait la fête à la cour, et puis ils sont mariés. Mais ce que je veux dire, c'est que le fonctionnement du couple en tant que couple et pas en tant qu'entité politique ou en tant que... Voilà, il est assez peu explicité. Généralement, les relations amoureuses dans les romans arthuriens, elles ont lieu pendant le roman pour expliquer leur présence. Alors après, il y a des passages de séduction, etc. Mais une fois que les couples sont appairés, c'est fini, quoi. C'est le mariage comme fin. Là, il y a un peu un sous-entendu d'un la vie de couple, elle est vue comme quelque chose qui va continuer dans le temps. L'exemple que je passe à Guenièvre, c'est aussi parce que on n'a pas tout le temps, même s'il y a des cas, il y a la fausse Guenièvre, mais c'est plutôt par ce genre de ressort-là externe que les relations de couple entre Arthur et Guenièvre sont explicitées, ou alors la relation avec Lancelot, mais même là, elle n'est pas toujours justifiée par tu vois, des problèmes relationnels avec Arthur ou des conflits internes au mariage. C'est quelque chose d'assez peu exploré en général. On a très peu de fenêtres sur leur intimité. Ouais. On a un peu plus avec Tristan et Isolde, mais là, il y a le côté un peu inhérent au fait que c'est une relation anormale, ouais, qui ne peut pas exister et ne peut pas perdurer dans la société de son époque, comme une relation de mariage comme celle de Ragnell et de Sir Gawain. Mais du coup, un texte assez intéressant, bon, qui a aussi des relations qui parlent, il y a les relations genrées, il y a le fait qu'il tient assez bien dans le canon, donc comme tu l'as dit, il a pu être réintégré dans, oui, Arthur, une épopée. Il faudra qu'on fasse un épisode sur Arthur, une épopée celtique un jour, je rechigne un peu de lire ces grandes bulles soleil avec le texte mal casé dedans, mais je pourrais... Non, mais ça, honnêtement, Arthur, une épopée celtique, ça va, c'est le haut du panier, je dirais, dans le gruau celtique, la bouillie celtique qu'on nous sert. Non, il y a effectivement ce côté un peu effectivement polyforme. Enfin, c'est une aventure qui s'adapte bien ailleurs. Et clairement, il y a un fond difficile de savoir si. Alors, il y a des parallèles. Les sources sur ce motif de la souveraineté, on parle souvent d'une source irlandaise, de notion oui, de. Il y a un mythe irlandais où la souveraineté est incarnée par une femme et le héros, voilà, doit la choisir. Et puis elle est moche, il la choisit, elle est belle et il apprend qu'en fait c'est la souveraineté et qui va engendrer une lignée droite ou quelque chose comme ça. Mais c'est pour ça que quand je disais qu'il y a d'autres contextes, effectivement, le conte de Florent chez Gower, bah, ce fond celte, c'est très lointain quand même. Hein, on est. C'est possible que ce soit une influence irlandaise, effectivement, qui est ce récit-là, mais c'est de loin pas certain. Après, c'est aussi cette notion de souveraineté est clairement un truc un peu dans l'air du temps, puisqu'on l'a chez Chaucer, chez Gower, on l'a dans ce récit, on l'a dans la ballade qui a suivi. Et quelque part, voilà, il y a le... C'est vrai qu'on se moque un peu du fond celtique, mais c'est là, il y a des parallèles assez évidents avec ce motif irlandais-là, qui est probablement dans une mesure... C'est peut-être aussi pour ça que cette œuvre-là a eu un certain succès, a posteriori, parce qu'elle avait... c'est une des œuvres tardives qui a le meilleur... Après, vu que c'est tardif, c'est difficile de voir d'où vient, ouais, où est passé le lien. C'est possible que ce soit passé par une œuvre latine ou par une œuvre en français. Ouais. Difficile à savoir, en fait. Difficile de savoir. Il y a quelques allusions, par exemple, je ne sais plus dans quel texte, il me semble que c'est dans la Post-Vulgate, il y a une allusion sur quand, je crois, il y a les trois femmes dans les aventures du Morholt, de Yvain et de Gawain, où il y en a un qui finit avec une femme vieille, et il y a quelqu'un qui fait une allusion à un autre endroit, à l'épisode où Machin avait fricoté avec une vieille femme moche, et on n'a pas l'épisode, je sais plus quel chevalier c'est, ouais, mais donc... Il y a quelques allusions à des histoires qui devaient être compatibles avec cette idée-là dans les romans. Et puis, on a parlé de la demoiselle hideuse et la demoiselle hideuse, la laideur féerique dans le Perceval et aussi. Et il me semble que dans le Perceval, c'est associé aussi à une malédiction. Enfin, c'est associé elle avec. Vient maudire Perceval. Et il y en a aussi une dans la Folie Lancelot que j'ai traduit si ça vous intéresse, où il y a une dame qui vient dire à Eric, oh Eric, bon ça c'est probablement repris du Perceval, c'est Eric, tu es maudit, tu n'es pas entré dans le château où tu étais destiné, tu as échappé à ta destinée. Et enfin, bon, on peut supposer que ce motif, c'est un motif breton, probablement d'origine celtique si on veut, ou en tout cas dans la région, de la même manière que le jeu de décapitation, oui, il y a le festin de Brick Riou, donc un texte irlandais qui est objectivement plus vieux et qui ressemble un peu, et donc que, dans un passé lointain, ces motifs avaient un autre usage, une autre portée, mais je trouve que ça éclaire pas toujours... Enfin, le propre de ces romans, c'est aussi de les articuler pour dire d'autres choses et d'autres histoires. Et donc, ça ne nous éclaire pas toujours, même si la comparaison est intéressante. Une dernière chose que je veux dire sur Ragnell, c'est que là, je jouais au jeu, on en a un peu parlé, Legends of the Round Table, qui est sorti en fin mars. Et ils ont une mission, une des premières missions d'ailleurs, c'est The Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnell, c'est inspiré de ça. Et j'ai eu une très mauvaise expérience parce qu'en fait, la mission commence un peu comme... C'est adapté, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous êtes dans une partie de chasse avec des chevaliers, vous avez touché une bête avec une flèche et il faut choisir quel chevalier va aller l'abattre. Et vous devez choisir un chevalier qui va aller essayer de tuer la bête. Et il tombe sur Gomer qui lui dit « Que désirent le plus les femmes ?» Et ça le paralyse complètement et il se fait kidnapper par Gomer. Et en fait, la bête se transforme en espèce... Le daim se transforme en espèce d'être féerique humanoïde. Sauf que pour faire cette mission, vous devez bien avoir au moins un chevalier célibataire pour pouvoir marier Ragnell. Sauf que ce que j'ai fait par inadvertance, j'ai pas bien regardé, c'est que j'ai envoyé mon chevalier célibataire faire ça. Je crois même que j'avais pris Gawain, justement, parce que je me suis dit, ça colle, c'est le truc de Gawain, sur les quatre chevaliers que j'ai envoyés. Il se fait kidnapper par Gromer. Ensuite, on passe toute la quête à courir à travers le pays, à demander à des dames ce que les femmes désirent, à faire du point and des quêtes de point and click pour essayer d'accéder au château de Grommer. On fait toutes les épreuves. On arrive dans la prison où notre ami est retenu. Mais à côté de la prison, il y a Ragnell. Je vous spoil un peu, je suis désolé. Et vous demandez à Ragnell, puis elle dit « Ah, j'ai la vraie réponse, parce que Grommer, c'est mon frère, je peux vous la donner. » Et puis elle dit « Mais il faut qu'un d'entre vous m'épouse. » Et là, vous pouvez juste répondre « On est tous mariés, vous n'avez même pas la possibilité d'aller dans la prison d'à côté et dire au type, justement, de faire comme Arthur, et d'aller vers... » Là, ça aurait été adéquat de pouvoir faire comme Arthur et d'aller voir l'autre mec en prison et lui dire « Tu peux pas épouser cette dame pour nous sauver. » Et là, tu peux même pas faire ça. Ils ont pas... et du coup, Grommer arrive, il a pas le debuff que ça aurait de répondre à sa question. Les chevaliers lui font aucun dégât, il one-shot tout le monde, 4 chevaliers morts, permadeath, 4 chevaliers en moins. Il y a 12 places à la table ronde, hein. Et donc j'étais un peu dégoûté. Je regardais, je suis pas le seul à avoir eu ça. Plein de gens ont eu ce problème. Et la réponse des développeurs, c'est toujours « Ouais, mais c'est la vision du jeu, qu'il y ait des trucs conséquents et tout. » Tu peux demander à Merlin de remonter dans le temps pour refaire la mission, donc tu dois tout refaire, et il n'y a rien d'intéressant de ce côté-là. Mais bon, cette fois-ci, j'ai réussi, finalement je l'ai réussi, mais en la refaisant, et malheureusement, ce jeu, j'en suis triste, mais il a clairement une vision, mais un système de jeu très complexe et clunky, qui n'a peut-être pas été testé plus que ça, parce que je vois tous les gens que j'ai vu jouer ont les mêmes frustrations, les mêmes erreurs, les mêmes machins, et je veux dire... Quand ça vous prend, je sais pas, plusieurs heures de faire la mission et que vous ferez tout sur la fin et que vous avez pas de possibilité intéressante de refaire. Alors, les développeurs ont aussi fait plein de mises à jour. Maintenant, on peut refaire les combats. Parce que moi, je me disais, bon, il m'a tué, je vais tenter autre chose. Là, au moins, on peut recommencer les combats. Ils ont fait plein de mises à jour, etc. Et c'est un petit studio, ils ont pas forcément énormément de moyens. Mais c'est vrai que, comme j'avais relu Ragnell récemment et joué à ça en plus, je me disais, oh bah tiens, je connais la logique de l'histoire, je vais pouvoir répondre à la question. Tu n'avais pas le choix de dire la réponse si tu n'as pas le... Ragnell, c'est pas un multitruc où tu... Elle va juste te dire la bonne à choisir, tu as vraiment... Tu peux choisir de dire celle de Ragnell ou des autres. C'est-à-dire que quand Grommer arrive... Tu dois avoir marié quelqu'un à Ragnell pour avoir la possibilité de le dire. Tu veux pas... je sais parce que j'ai eu le bouquin. Tu n'as pas toutes les options. Tu n'as pas un côté... il te donne 50 options et tu dois choisir la bonne, ce qui aurait pu être marrant. Mais suivant les femmes à qui tu as demandé en chemin, tu as plusieurs options de réponse et tu as Ragnell qui est la bonne. Ce qui rend le truc un peu stupide aussi, parce que ça veut dire que tu peux accumuler des mauvaises réponses, ce qui est fidèle à l'histoire qu'on a là. Mais c'est pas très intéressant en termes de jeu. Et aussi, si tu leur donnes les mauvaises réponses, ils te laissent une chance d'en dire une autre ou non. C'est là, contrairement à Arthur, tu n'as pas le choix de donner autant de mauvaises réponses que tu veux. Ce qui aurait pu être plus comique d'avoir le choix de donner les trois mauvaises réponses que j'avais et qu'ils disaient à chaque fois 1-1. Non, le jeu marcherait tellement mieux en jeu de rôle papier parce que tu aurais le maître de jeu qui disait bon là c'est absurde, je vais vous laisser passer ça. Là, tu as une autre mission où c'est, qui est un bon exemple, où c'est sur Bisclavret. Donc t'as un mec qui a été changé en loup-garou et tu comprends que le loup-garou en fait c'est un mec qui a disparu et tu veux le retransformer. Donc tu dois faire un appât et donc tu te dis bah je vais foutre. Je sais pas. Et c'est un de ces point and click pénibles, c'est où tu sais plus ce que tu dois faire parce que t'as tous les objets, ils me laissent pas progresser. Mais tu dois trouver un chou et du fromage de chèvre pour faire une tarte parce que c'est ce qu'il aimait quand il était vivant. Alors que j'étais là, mais tu peux pas juste prendre un mouton chez le propriétaire de mouton. Enfin, non. Tu peux pas. Et surtout, tu peux pas. Tarte au chou. Enfin, en fait, tu n'as qu'une option. Et je suis là, bon, ben, je vais obtenir le mouton. Tu dois obtenir une couverture pour la mettre sur le trou pour le piège. Donc tu dois demander à la femme du berger, tisse-moi une couverture. Et ensuite, tu dois demander au berger, bon, j'aimerais du fromage, il dit, ah, tu dois attraper mon mouton. Et en fait, le mouton, il est harcelé par des loups un peu plus loin sur un rocher, enfin, à 30 mètres de sa cabane. Et tu dois battre les loups. Et ensuite, tu dois faire un jet de, enfin, c'est avec un système de cartes, tu dois faire un jet de, est-ce que tu arrives à attraper le mouton? Il s'enfuit, tu ne peux pas le rattraper. Et tu n'as pas d'autre option. J'ai acheté la couverture à sa femme, je ne peux pas lui proposer d'acheter du fromage, je ne peux pas, malgré tous les systèmes du jeu, je peux pas le menacer. Je peux pas essayer de le voler. Alors que t'es là, c'est un jeu de rôle. Je devrais avoir la possibilité de perdre de l'honneur en faisant un truc déshonorable. Oui, c'est clairement pas Baldur's Gate 3, quoi. Non, c'est ça. Tu n'es pas dans Baldur's Gate 3. Je peux faire rien de tout ça. Je suis bloqué. Et du coup, je suis obligé de tuer le loup-garou. Puis on me dit, tu as tué le loup-garou alors que c'était. Bah oui, je sais, mais j'ai pas eu les options. Et surtout, tu fais ton piège. Tu n'as pas la possibilité de prendre un mouton. Et tu n'as même pas la possibilité, dans un jeu chevaleresque, d'avoir un chevalier qui dit, OK, je me défous pour faire l'appât. Ce qui serait quand même le truc marrant. Où tu pourrais te dire, j'ai mon chevalier courageux comme Gauvin qui choisit de faire l'appât et on va voir si j'arrive à le sauver ou si il va mourir, tu vois, ça crée un truc. C'est dommage parce que tu vois un peu la vision et en fait tu n'as simplement pas assez d'options à disposition pour que ce soit intéressant de refaire ces missions plusieurs fois Et de ce que j'ai compris, il n'y a pas de quête du Graal dans le jeu et ce sera peut-être un DLC. Donc, il faut. Si, bon, ça c'est très authentique par rapport à la. Ça c'est absolument. Ça c'est vrai que là on peut leur donner un pass de. Tu fais le DLC quête du Graal, après t'as le DLC Espoir du Saint Graal. Non, en vrai. Le DLC préquel. De ce côté-là, le fait de faire des quêtes supplémentaires qui rajoutent après si le jeu a assez de succès, bon, il a eu quand même de la presse assez, assez positive malgré son côté clunky. Ça reste très intéressant. Et honnêtement, il y a des moments où on avait parlé des spécialistes de musique médiévale qui bossaient dessus, la musique, la narratrice qui raconte tout ce qui se passe. Il y a des moments où les systèmes de jeu s'alignent parfaitement avec ce qu'ils ont essayé de faire. Il y a un très joli moment où c'est justement la quête du Bisclavret. Tu passes tout le temps sur un pont et il y a un fantôme qui apparaît sur le pont. Et il est amnésique et il se rappelle pas de sa vie. Et tu dois à chaque fois le battre, mais au premier coup, il s'évanouit. Et en fait, c'est intéressant parce que en fait, tu vas passer sur ce pont simplement parce que tu vas d'un endroit à l'autre et tu apprends de nouvelles informations sur ce type et tu peux lui poser des questions pour essayer de lui rafraîchir la mémoire et au final, tu dois apprendre à chanter une chanson pour réussir à le... À le convaincre de passer à, la vie, à l'étape supérieure. Quoi. Enfin, voilà, l'étape suivante, lui ramener la mémoire et ensuite qu'il puisse être libéré. Et puis voilà. Et c'est intéressant parce que, en fait, le système du jeu qui fait que tu passes sur le pont, c'est un peu chiant, mais en même temps, tu as des nouvelles options de dialogue à chaque fois. Et puis quand tu y arrives, tu as un beau moment musical où tu as la chanson de son amante et son âme est libérée. Là, tu as un moment où tu te dis ah bah là, c'est parfait, tous les systèmes s'alignent. Malheureusement, ils ont, à mon avis, simplement pas eu les moyens d'être Baldur's Gate 3. Quoi. Tu peux pas, malheureusement, tout le monde ne peut pas être Baldur's Gate 3 ou Disco Elysium ou autre. Mais c'est vrai qu'avec le nombre de systèmes clunky, de combats en 3D et tout, tu te demandes un peu s'ils auraient pas dû être un truc purement de texte. Parce qu'entre les missions, tu as des petites missions un peu en mode purement textuel, livre dont vous êtes le héros. Quoi. Qui là, sont parfois... Peut-être qu'ils auraient dû faire que ça. Alors, ça aurait été un peu plus triste. Ah, ça aurait pu être, tu peux faire un jeu en mode plutôt que disons un jeu avec des systèmes de combat et tout, tu peux faire un virtual novel quoi. Voilà, c'est je sais pas parce que en même temps il y a du charme. Ah, pardon, visual novel. Virtual novel ou visual novel. Non, c'est visual novel, mais c'est vrai que virtual novel ça fait un peu comme si t'étais dédaigneux. Ça j'appelle ça le virtual novel. Les romans virtuels. Donc critique mitigée de ma part, je vois beaucoup de gens très positifs parce qu'ils ouais, en tout cas, j'ai envie de dire bel et fort, et je l'ai pas encore fini. Et il y a des moments où les systèmes s'alignent. Mais c'est vrai, et aussi, ils ont fait 50 000 mises à jour, donc peut-être que les problèmes dont j'ai parlé ne se manifestent plus. Mais c'est vrai que ça donne l'impression qu'ils avaient pas les moyens de, en fait, soit pas les moyens de le tester, soit simplement ils étaient là, bon, on est obligé de finir le jeu, on peut pas y passer. On a tout investi en enluminure et en champ médiéval, aidez-moi à budgéter mon jeu. 8 millions pour le champ médiéval et les enluminures. Zéro pour le QA. Mais du coup, le jeu fonctionne quand même. Enfin, ça crache pas toutes les deux secondes. Et... Non, le jeu fonctionne. Il faisait cracher mon ordi avant, mais c'était la démo, donc c'était pas attendu. Et apparemment, c'était mon ordi le problème. J'ai utilisé un autre ordi pour ça, qu'on m'a gentiment laissé utiliser. Donc de ce côté-là, ça marche. Apparemment, il y a eu quelques bugs. Genre justement, à la fin de la quête Ragnell, tu te retrouves avec un chevalier marié, mais qui était pas le bon, mais ils ont fixé. Enfin, ils réagissent quand même aux bugs qu'ils ont pu repérer. De ce côté-là, j'ai pas eu ce problème. C'est plus que beaucoup de choses sont très contre-intuitives et que quand tu vois des gens qui streament le jeu, ils font les mêmes... C'est-à-dire, par exemple, tu peux examiner tes ennemis pour voir si ils ont des... J'arrête bientôt ma review intempestive, mais tu peux examiner tes ennemis pour voir s'ils ont des blessures et puis peut-être, ah, il est blessé au bras, donc je vais essayer de l'attaquer au bras. Mais... ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as un petit bonhomme en bas à gauche de l'écran qui est ton bonhomme, et quand tu examines l'ennemi, tu n'as pas de pop-up ou quoi qui s'affiche, tu as juste le petit bonhomme d'à côté où les stats changent. Mais sauf que c'est tellement petit que tu ne le vois pas, et donc la plupart des gens utilisent ces options, ils sont là, ça marche pas. Parce qu'ils n'ont pas vu que le bonhomme était différent, ou peut-être même parce que les stats n'étaient pas différents si l'ennemi n'est pas blessé, donc il se passe rien. En bas à gauche de l'écran, tu as ce côté vieux jeu où tu as 12 stats, les stats de ton chevalier. T'as les 12 stats de ton chevalier qui te servent basiquement à rien. Et il y a une stat qui est importante, c'est l'honneur, parce que quand elle baisse trop, si tu fais des trucs trop déshonorants, la cohésion de groupe baisse. Et ça, tu dois aller dans la fiche de personnage pour le voir. Et il y a une seule icône sur l'écran qui te permet d'y aller. Et pour sortir de ce menu, tu dois recliquer sur la même icône, tu peux pas appuyer sur Escape. Donc, tu as plein de tout petits trucs frustrants, mais qui frustrent tout le monde de la même manière, qui te laissent dire, bon, est-ce que vous auriez pu... Vous auriez pu faire le ménage ici à ce moment-là. Maintenant, je dis ça comme si c'était facile, je sais que ça l'est pas, et je sais que c'est des systèmes emboîtés les uns dans les autres. C'est quand même rigolo qu'effectivement, il y ait à la fois les ressources, clairement, et la volonté de mettre du temps et de l'énergie le fait de, enfin de d'avoir, alors bon, c'est pas parce que tu vas commander un groupe de musique médiévale que tu vas avoir un certain succès, mais ça demande quand même une certaine organisation, un certain truc. Tu te serais dit que il y aurait peut-être quelque part la notion qu'il fallait avoir quand même des testeurs externes plutôt que de tester les gens qui ont développé le jeu. Je pense qu'ils ont testé, mais si effectivement tout le monde a la même façon de penser et de réfléchir à l'UX par exemple, bah c'est clair qu'ils vont pas aller Moi je pense sincèrement qu'ils ont testé et qu'ils étaient là. On n'a pas le temps de changer. Enfin, pour moi, c'est plus ça l'impression. C'est un peu le côté, tu sais, il y a des jeux classiques où ils ont dû tout refaire à la fin, plus sur le côté du contenu. Mais tu sais, c'est assez connu que Deus Ex, ils arrivent à la fin, ils étaient là. En fait, les tests, c'est que les quêtes, les missions étaient chiantes. Et du coup, ils ont basiquement pas tout refait, mais ils ont dit, bon, on va faire un début beaucoup plus dynamique, beaucoup plus libre, beaucoup plus... Enfin, ils ont... Deus Ex est arrivé à la fin et ils ont enfin compris quels étaient les points forts de leur jeu et comment c'était dessus. Et là, c'est... Là, pour moi, c'est plus des trucs plus élémentaires que ça, qui sont ce côté rétro, cet écran de jeu. Est-ce que c'était vraiment... C'est vraiment... Ça te submerge, quoi. Tu as un écran plein de trucs. Et du coup, quand il se passe des trucs, tu vois pas toujours ce que tu dois regarder. Tu chopes pas tout de suite le réflexe. Et les tutoriels aussi, je crois qu'on en avait parlé, mais c'est des vidéos d'un mec avec un accent québécois qui a des vidéos qui t'expliquent quoi faire. Et si le jeu pèse genre 35 gigas, c'est parce qu'il y a genre 20 gigas de vidéos, en fait, qui t'expliquent, ou t'as un type québécois qui dit le menu des... Enfin, je ne vais pas l'imiter par respect. Mais tu te dis quand même, est-ce que c'était vraiment... Parce que moi, j'avoue, je les ai pas regardés. Donc aussi, c'est ma faute si je comprends rien. Mais j'avais pas très envie de m'accrocher pour ça. Voilà, je suis un mauvais gamer, je n'ai pas Git Good, mais on verra si j'arrive à finir les 12 missions, les 10 missions avec brio. Mais au moins, on en a pu en parler dans un épisode tout à fait fort à propos, puisque le cœur de ton problème, c'était cette quête de Dame Ragnel. Mais désolé pour le bonus review jeux vidéo ludique intempestive. Je pense aussi que, enfin, on pourra peut-être faire une fois un épisode sur les jeux vidéo. J'ai aussi essayé de jouer à Tainted Grail Fall of Avalon, qui est un double A, donc qui essaye d'être Skyrim plus Dark Souls. C'est vraiment le système de jeu de Skyrim, qui là est tout à fait fonctionnel, mais pas très inspirant. Et presque, je préfère un truc aussi clunky que ça, disons, par rapport à un jeu qui essaye d'être un triple A mais qui n'arrive pas. Je préfère presque le jeu clunky qui fait un truc très original et qui est plus stimulant et qui a plus de jolis moments qu'un truc qui est un peu une masse un peu grise qui me dit, tu te rappelles Skyrim et Dark Souls? Non, effectivement, il y a un côté aussi un peu... on retrouve ce que tu disais au début sur les adaptations arthuriennes qui gagneraient plus à être originales et à aller dans un sens différent de ce qui se fait en masse plutôt que de chercher à faire du Skyrim et Dark Souls, quoi. C'est pour ça que je m'en veux un peu de faire une critique négative et de briser la confraternité arthurienne qui règne sur la réponse au jeu. Mais qui sait, peut-être que ça va dans une bonne direction et que ça aura une suite ou autre, et qu'on pourra vous en reparler. Les prochaines fois, on vous reparlera peut-être. On a encore quelques textes arthuriens dont on peut, des textes arthuriens anglais à explorer avec vous, mais peut-être qu'on fera une pause et qu'on parlera plus. On reviendra peut-être en terrain français ou autre. On verra ce qu'on vous dira, ouais. Mais effectivement, on va peut-être pas tout de suite s'attaquer à Mallory parce que là, on en aura pour un moment. Mais d'ici là, on a quand même pas mal de matière qu'on avait laissé encore un peu au frigo entre le français, le néerlandais, le latin. Vous allez voir, on a encore pas mal de choses à regarder, même en français. On a quand même pas. Quand même deux, trois autres grands trucs qu'on n'a pas beaucoup touchés, même si ce n'est pas les plus connus. Cette fois-ci, on ne vous a pas fait de traduction comme la dernière fois avec Avowings and Winters, mais donc si vous voulez lire une version bilingue des romans qu'on a vus la dernière fois, vous pouvez y aller. Si vous voulez lire La Folie Lancelot, vous pouvez aussi lire ma traduction qui est disponible en ligne et qui bientôt sera probablement disponible sous une forme plus jolie, mais si vous voulez lire La Folie Lancelot traduite, vous l'avez, et on vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, car surtout n'oubliez pas, la quête continue.